C'est une première. Oui, c'est une première aujourd'hui. Alors, pour les gens qui nous écoutent, bienvenue à cette discussion en conscience du mois de novembre 2020. Vous pouvez voir Mona à l'écran et entendre ici David au micro. Alors, bonjour Mona, ça va bien? Oui, bonjour David. Oui, ça va, on a réussi à se rejoindre. Hein? Un petit peu d'interférence, après ce qu'on a compris. Oui, les gens qui nous écoutent, faut que vous devez comprendre qu'on a fait plusieurs tests avant d'aboutir au résultat que vous pouvez voir à l'écran. Et avant de débuter la discussion à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui les écoutent que Mona, que vous voyez, est professeur de Pilates et également de yoga thérapeutique qui a une école située sur le plan physique en Montréal. Et qui également vont enseigner sur Internet, via Zoom, entre autres. Donc, je pense que ça peut être intéressant que tu donnes les coordonnées là, pour les gens qui pourraient être intéressés à suivre des cours là, auprès de toi. Le plus simple, c'est de contacter par courriel à partir de mon site Internet, mon contact est là. C'est par courriel qu'il faut communiquer avec moi. Donc, au www.yogacentre, en un mot-cité.com. C'est tout. C'est juste de m'écrire, me dire si ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Puis on peut convenir. Donc, à ce moment-là, est-ce que toi, tu faisais des sessions privées avec des gens? Ouais, de plus en plus, je fais du privé, soit c'est coaching aussi. Ça a commencé un petit peu de coaching de psychologie évolutionnaire sans que je le demande. Là, ça s'est placé seul. Mais à travers le yoga et le pilates aussi, j'ai de plus en plus de privé. D'ailleurs, je me questionne un peu parce que plus j'ai quand même pas loin de 60 ans, fait 14 cours par semaine, je commence à trouver ça un petit peu rock'n'roll. C'est Oui. beaucoup. J'ai beaucoup de. Ça me donne. Le privé, c'est bien, mais en même temps, c'est beaucoup. C'est un travail physique. Hein. Je peux pas donner 25 cours par semaine. Alors la question se pose de comment je vais gérer ça, là. Une surcharge de travail dans une période où le monde est confiné, c'est intéressant. Ben, c'est un beau problème. Au moins, tu t'ennuies pas. J'ai pas le temps. Pas Donc, le temps. c'est excellent. Et j'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne s'ennuieront pas non plus. Sinon, c'est sûr que de mon côté, je voulais mentionner que aux gens qui aiment les enregistrements que je mets à disposition du public sur YouTube et également sur archive.org en format MP3, il y en a près de 500 que les gens peuvent écouter. Eh bien, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière via les moyens sécurisés que sont PayPal et Interac. Donc, vous allez pouvoir retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, bien entendu, comme les coordonnées de Mona par rapport à son école et également son adresse courriel, advenant que vous aimeriez entrer en contact avec elle. Je fais une autre petite précision, David, vu que tu m'ouvres la porte à ça. Il Oui. y a des gens qui me contactent pensant que j'enseigne un yoga traditionnel, je dirais. Non, pas vraiment. Je tiens à le préciser parce que je touche absolument pas tout ce qui est relié à la spiritualité du yoga. Pour moi, c'est passé date, là. Ça fait quand même 5000 ans, le yoga. Si je trouve la religion catholique passé date, imaginez comment je trouve ça passé date. Alors, c'est un yoga qui est plutôt travail contemporain sur le corps, moderne, c'est un alignement postural pour favoriser l'énergie, le réalignement. Tu sais, on a déjà parlé, toi et moi, les corps inférieurs dont le corps physique est un terminal, ben si le terminal il termine pas bien, faut que ça remonte par en haut, hein, l'énergie descend, mais si nos corps sont mal alignés, l'énergie est fracturée, puis elle passe mal. Tu sais. Donc, il faut repartir du terminal pour remonter la chaîne jusqu'au mental. Ben, c'est Donc, c'est un intéressant. travail d'alignement qui se fait beaucoup Oui, dans mon puis approche, c'est ça. aussi tu m'avais déjà dit que tu mettais l'accent sur le volet thérapeutique. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui souffrent hein, physiquement, c'est incroyable. J'ai des jeunes qui souffrent déjà de problèmes articulaires, j'en viens pas, des maux de dos à 30 ans, 25 ans, pas d'énergie, brûlés par la vie. Je donne un cours qui est pour moi, des fois, assez débutant, là, dans le sens physique du terme, puis ont de la misère à suivre. Donc, je travaille avec une clientèle à leur rythme, tout simplement. Ceci étant dit, c'est le point que je voulais faire, c'est que ce n'est pas une approche traditionnelle du yoga, ni du Pilates d'ailleurs. Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, tu mets ta touche personnelle là, par rapport à tout ça pour ajuster les choses vibratoirement, puis en fonction de Exact. l'individualité aussi des gens qui vont te consulter. Tout à fait. C'est vraiment ajusté au moment où ça se passe. Excellent. Donc, une fois que ces annonces sont faites, on va débuter à proprement dit cette discussion en conscience. Donc, depuis notre dernier échange, il y a beaucoup de choses qui ont ébranlé l'actualité. Donc, en cette période de crise sanitaire qui ne semble de plus finir, il y a toutes sortes d'événements. Si on pense ici à la situation au Québec et le rapport de force qui a eu cours entre les salles d'entraînement, les gymnases et le gouvernement. Donc, les gymnases, il y en avait au-dessus de 200 là, qui voulaient réouvrir il y a quelques jours. Et puis, ils voulaient le faire là, en faisant de la désobéissance civile. Puis, une journée avant la réouverture, ils ont tout laissé tomber. Puis, ils ont, face à la menace du gouvernement de faire des amendes là, pour à la fois les salles d'entraînement puis les clients. Qui se serait présenté au gym le moment convenu. Donc, je me disais, enfin, il y a une opposition qui se présente ici au Québec pour faire changer les choses par rapport au gouvernement. Et le gouvernement a fait des menaces et ça a fonctionné. Donc, j'étais curieux d'avoir un petit peu ton point de vue là, par rapport à ça, sachant que toi-même, tu n'as pas une salle d'entraînement, mais tu as quand même un studio de yoga. Comment que tu voyais ça? Ben là, je sais, c'est ça que je te disais un petit peu avant. Moi, j'ai décroché pas mal des nouvelles dernières semaines. J'écoute plus la télé et tout ça. Fait que je savais pas qu'il y avait pas suivi le mouvement. Mais ce que ça me dit, c'est que la peur a encore joué. C'est encore la peur d'avoir une contravention. C'est une pandémie de peur. C'est rien d'autre. Hein. Je pense même qu'il y a du monde qui disent que le COVID existe même pas. Fait que, ça va. Une chose est sûre, c'est que c'est la peur qui domine. Moi, je suis toujours ouverte. Moi, je contiens mon mouvement dans le sens que si les gens veulent venir, ils viennent en studio. Puis j'offre aussi la possibilité de zoomer, même quand je suis en studio, pour respecter tout le monde. Mais moi, personnellement, j'aime mieux mourir debout qu'à genoux. Oui, C'est tout. et moi, Et je plierai pas à ça. Je me plie. Je suis en désobéissance civile dans un sens, mais je le contiens. Dans le sens que s'il y a un problème, je réglerai le problème, je traverserai la rivière en temps et lieu. Mais jusqu'à présent, j'ai zéro. Des gens viennent, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent en zone. Mais les gens qui ont peur, ils ont peur. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, David? Il faut aller au bout du bout. On va aller au bout de ça. Ça va aller plus loin qu'on pense. Quand je le disais, à un moment donné, le plan est beaucoup plus grand qu'on pense. Puis là, on commence à voir que le plan, il est assez gros. Oui, Il y a un exactement, là. plan plus vaste, bien au-delà de Trump fait et de. En passant, là, je tiens à préciser quelque chose. Moi, là, je suis pas en amour avec la personnalité de Trump et je défends pas Trump. Mais je suis très conscient de la fonction qu'il a sur la planète. Ah, Et je l'ai toujours su. c'est Oui, il y intéressant a une à fonction aborder, faite comme. c'est ça la distinction entre la personne qui est trompe avec son ego, son orgueil versus sa fonction. Donc, Ben, si j'y vais avec mon ego, sa personnalité me tombe sur les nerfs royalement. ben oui, ben moi je trouve qu'il manque de délicatesse, de politesse, c'est un homme De grossier. fini de toutes sortes. Exactement, mais par contre, ça peut être intéressant d'aborder c'est quoi la nature de sa fonction occulte que nous présentent pas les médias de masse, là. Qui sera jamais présenté probablement, David, parce que c'est un plan. Tu sais, si tout le monde est contre, on convient qu'on est tous manipulés, que ce soit par un contact astral ou que ce soit par l'astral, le supramental ou d'autres plans, on est sous contrôle. Fait que Trump fait est sous contrôle aussi, mais c'est ça que je l'avais dit à un moment donné. Il y a un plan plus grand que le plan de l'oligarchie mondiale. Puis ce plan-là, il est en action, il sera jamais arrêté. C'est fini. C'est fini le temps de la marde, mais nous, on est témoins de comment ça va s'effondrer, cette affaire-là. Parce que ça fait 300, 400 ans qu'ils nous mènent par le bout du nez économiquement, si ce n'est pas des milliers d'années qu'on se fait traiter. Si on le regarde d'un plan purement occulte, ça fait des milliers d'années qu'on se fait invaser, diminuer. L'humain s'est vampirisé par toutes sortes d'énergies, que ce soit l'astral, même le supramental. On a des comptes à régler à un moment donné, mais c'est bien beau. On domine, là. C'est fait dominer par le mental ou dominer par l'astral. On reste dominé. Exactement. C'est juste que la source de ça, la c'est une domination question. Est plus subtile. Mais par rapport à... Oui, c'est ça. Elle est plus subtile au niveau mental, elle est de plus en plus subtile. Mais on peut questionner la fonction de Trump, c'est clairement pour retarder tout. D'ailleurs, on le voit, je te l'avais dit, je te l'ai écrit, c'est pour retarder. Lui, là, il est là pour faire retarder le plan du reset économique. Le temps qu'il y ait une masse critique d'éveil sur la planète, ça s'en vient, là, le monde se réveille tranquillement, mais on peut pas aller... C'est très intelligent, ce plan-là, parce qu'il n'y aura pas de guerre. C'est une guerre, mais il n'y a pas de bombe, hein? C'est ça. C'est une guerre entre les deux oreilles. Ben, c'est une guerre économique subtile qui semble se dérouler présentement pour amener la fermeture d'entreprises, dont les salles d'entraînement, les restaurants, etc., que ce soit au Québec ou dans d'autres pays de la francophonie ou un peu partout dans le monde, le scénario est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'au nom du confinement et des mesures sanitaires, on est en train de mettre la vie économique de plusieurs peuples simultanément sur pause. Et c'est sûr que derrière ça, en lien avec ce que tu dis par rapport à Trump, parce qu'au moment où on se parle, on est présentement le 8 novembre 2020, et aux dernières nouvelles, ce que nous ont annoncé les médias de masse, c'est que Joe Biden avait été élu président des États-Unis en grande pompe. Autoproclamé. Il y a une petite affaire importante. Il s'est autoproclamé. Exactement. Mais de ce il n'est que pas élu encore officiellement. Non, il a c'est ça. Qu'il l'était. Mais on nous vend cette idée-là. C'est sûr que de son côté, Trump aussi a dit qu'il a gagné les élections. Donc. C'est sûr qu'il y a une guerre idéologique qui se fait là. Il y a deux personnes qui évaluent être couronnées par les électeurs. Mais le point que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on parce que tous les deux, on avait annoncé que c'était Trump qui était réélu. Puis là, à court terme, les médias de masse semblent nous invalider. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on verra concrètement lorsqu'on sera rendu au début du mois de janvier 2021, lequel concrètement va être assermenté pour diriger les États-Unis rendu à ce moment-là, parce qu'il risque d'avoir des bouleversements, parce qu'il y a des gens qui disent que les votes qui ont été faits par la poste, il y a eu de la fraude, il y a eu des erreurs de comptage importantes. Il y a ensuite les grands électeurs aussi qui vont avoir à voter, en plus des gens, donc qui peuvent faire interférence aussi sur le processus. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver d'ici les prochaines semaines, surtout dans un cadre de crise économique mondiale associée au coronavirus. Bien, c'est tout. En tout cas, je trouve ça tellement brillant. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans le coronavirus parce que je pense que le COVID-19 est débarqué organisé. C'est-à-dire que l'économie américaine allait très bien. Elle commençait vraiment à aller très bien avant le COVID-19. Ben oui. Et ils ont mis, je pense, ce COVID-là est bien organisé, c'est bien stratégique. Je pense que c'est un virus qui a été fabriqué, moi c'est ma perception, qui a été fabriqué pour créer, c'était prévu de créer une pandémie, pseudo-pandémie. L'objectif, c'est toujours de manipuler l'information puis les gens. C'est ça, mais moi, je pense ça, qu'on est témoin. De... Oui. Ce que je veux dire, David, c'est que je pense qu'on est témoin de plus... Trump, je ne sais pas s'il était conscient de tout ce qu'il faisait. Je pense que oui. Je pense que ça s'organise depuis très longtemps, même depuis 2012. Derrière lui, il y a l'armée américaine. Une chose que les gens ne savent pas, peut-être, c'est que l'armée américaine, quand tu rentres dans l'armée, tu prêtes allégeance au peuple et non au gouvernement. Puis leur job, le 4e amendement, je crois, de la Constitution américaine, c'est que s'il y a, mettons, contestation des résultats d'élections, ils ont le droit d'aller en cours, de porter plainte en cours pour que ce soit recompté. C'est ce que Trump a fait, là. Ils ont déposé des demandes. Lui, il prend un break, là, présentement. Mais la demande qu'il a faite, c'est de recompter. Et c'est là que ça va être dévoilé, tout ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont les preuves de ça. Trump, il est mort de rire. Il joue au golf. Non, exactement. Présentement, il joue au golf. Exactement. Parce qu'il sait qu'il a gagné. Il y a des endroits où ils ont voté à 109%. 109% de la population a voté dans le Pennsylvanie, je pense. J'ai pas checké tout, là, mais c'est déjà, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. T'as plus de gens qui ont voté que le monde qui est en présence dans l'État. Puis il n'y a pas rien qu'un État comme ça. Donc déjà là, sans le fait qu'il y ait eu des votes qui ont été ballottés d'un bord puis de l'autre, puis changés. Juste le fait qu'il y ait plus d'électeurs qui ont voté dans un secteur, déjà, ça remet en question l'élection. faudrait comprendre ça au départ. Puis ça, il faut que ça aille en cour. La cour ne jugera pas si, comment dirais-je, c'est qui va être président des États-Unis. C'est qu'eux autres, leur job, c'est de vérifier que les billets ou les votes sont bons. Exact. Voir qui gagne, c'est tout. Et ça va se faire. Mais c'est ça, je dis, le piège est extraordinaire. Parce qu'en fait, pourquoi présentement les démocrates ne veulent pas aller en cour? S'ils n'ont rien à se reprocher puis que la fraude n'est pas réelle, ils n'ont rien à perdre d'aller en cour faire refaire le compte. Exactement. Puis c'est pas ça qu'ils veulent. Et là, ils font tout pour empêcher que ça aille en cour. Et là, ça chicane, c'est des polarités. Là. Tout le monde se chicane. Puis là, c'est toi qui as fait ça, non, c'est sûr. Bon, bon. Ils se lancent la balle. Mais en arrière-plan de ça, pour moi, Trump, il est très bien organisé. Le plan s'exécute tel qu'il l'avait prévu avec l'armée. Et c'est de dévoiler à la face du monde la manipulation des masses médias, pas juste aux États-Unis. Ben, nous aussi, au Canada, ben on oui. est brainwashés. Au Québec, ben là, oui. Si on regarde en France, qu'ils disent qu'ils ont tous le même propos. Puis c'est ça que ça va dévoiler. C'est gros, là, c'est un gros choc psychologique. Les gens vont devoir réaliser qu'on nous ment. Ben, c'est sûr, là, que ce soit TVA ou Radio-Canada qui vont dire « Ah, Biden ou est en TF1. avance, puis qu'il a été élu, puis tout. Ouais. » Puis tout aux États-Unis, les fake news américaines, les fake news françaises, les fake news suisses, les fake news italiennes, les fake news espagnoles, les fake news canadiennes. Hey, ça commence à être gros comme couleur à avaler, mais c'est ça qui se dévoile, puis c'est ça que le coup de Trump fait va faire. C'est de dévoiler cet aspect-là. Ils ne l'ont pas vu venir, ça, là. Puis il semblerait qu'ils sont encodés, là, ce que j'ai pu voir, en tout cas, oui. C'est qu'il y aurait un deuxième code sur les billets, les millions, j'arrête pas de dire billets, sur les bulletins de vote. Il y avait été annoncé par Trump il y avait des filigranes d'intégrer aux bulletins de vote postaux. Ça a été sous-traité puis imprimé à l'extérieur des États-Unis. Parce qu'il semblerait que personne, même du côté républicain que démocrate, ce qu'il ignorait, c'est que ces ballots-là, une fois imprimés à l'étranger avec des filigranes, sont revenus au département des élections, je ne sais pas quel département aux États-Unis, et ils ont remis un deuxième code sur les billets que ça, personne ne savait, ni les démocrates, ni les républicains, parce qu'il y a autant de il peut y avoir autant de crosseurs du bord républicain que de démocrates. C'est ça, des deux côtés, ils quand peuvent même être comprendre malhonnêtes. Que des deux côtés, ils peuvent signer des bulletins de vote, là. Et c'est ça qui fait qu'ils sont piégés. Oui, mais ce qui est intéressant là-dedans, puis qui va être dévoilé. C'est ça, c'est que quelque part, le trucage des élections, le fait que les médias participent à ça en désinformant les gens, à un moment donné, les gens auront à vivre le choc du réel par rapport à toutes ces fake news, ces fausses nouvelles. Bien, le joint venture entre le politique, l'économique, et les masses médias qui sont contrôlées par Big Tech, c'est ce lien-là que les gens ne font pas encore totalement dans l'ensemble, mais que ce lien-là va devenir évident de plus en plus. Puis c'est ça. Pour ça, je dis que c'est intelligent, parce que ça se passe quand même relativement pacifiquement, malgré que tout ce qu'on voit. Oui, il y a une guerre, c'est une guerre d'information avant tout. Puis le temps que les gens s'éveillent à comprendre que c'est vraiment une guerre d'information qui se passe, puis que les gens sont prisonnier d'une forme d'information, on est comme formaté, là. On est dans la matrice. Le temps que les gens réalisent ça, ben, faut être patient, faut vraiment être patient, parce que je pense que le nouveau monde s'en vient, c'est clair, l'apothéose s'en vient. Oui, exactement. J'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. David, moi, je pensais jamais voir ça de ma vie, de mon vivant. Ça fait longtemps, je t'en ai parlé, ça fait longtemps que j'avais 19-20 ans en politique, on savait déjà ce qui s'en venait. C'est pas d'hier, là, que je me souviens, dans mes études au cégep à l'université, qu'on voyait déjà comment le monde économique fonctionnait, le 1%, l'oligarchie mondiale, comment ça c'était contrôlé. C'est la suite des choses qui se passent, là, puis c'est commencé depuis très longtemps. Oui, exactement. C'est en continuité avec des plans qui ont cours depuis plusieurs décennies, en fait, devrait dire depuis plusieurs générations. C'est ça. Puis au fil du temps, bien, ce qu'on voit, c'est le jeu qui se dévoile à travers notamment l'introduction de technologies de contrôle massive, le traçage numérique avec les téléphones au nom de la menace du COVID. Ensuite, l'intelligence artificielle qui se développe avec le crédit social, entre autres en Chine, pour surveiller les gens avec des caméras puis tout un système là, à Wuhan qu'on pourrait peut-être exporter ailleurs. Ensuite, la biométrie, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la démarche, la reconnaissance de l'iris. C'est ça. Puis, je lisais récemment un article sur, ensuite, un code barre biologique qui pourrait servir par rapport à reconnaître des objets à partir de chaînes d'ADN. Fait que là, on s'en va vers toutes sortes d'avenues pour nous contrôler de plus en plus de manière sophistiquée. Mais comme tu disais, puis j'abonde dans ton sens, c'est que Trump, présentement, il va servir à retarder, à quelque part, le plan des mondialistes. Dans le sens qu'il s'oppose par rapport au coronavirus, il n'achète pas le discours, lui, il continue avec les électeurs, là, ils sont à moins de 2 mètres, puis ils ne portent pas de masque, puis ils donnent des poignées de main, puis il n'est pas dans la peur par rapport à ça, tandis que Biden allait dans ce sens-là. Donc, mais il se bat, il met surtout une opposition au reset économique qui nous menace sérieusement, parce que le plus important, ce n'est pas le COVID. C'est le reset économique qu'ils veulent installer. Ça, c'est une grosse perte de liberté. Si les gens ne savent pas c'est quoi le reset économique, ça veut dire qu'on élimine ta dette, on te donne un salaire à tout le monde, puis en échange de ça, tu es les esclaves. Puis il n'y a plus de propriété. Autrement dit, ta propriété ne t'appartient plus. Exactement. Donc, si on donne un exemple concret, la personne a un restaurant ou une salle d'entraînement, ben à cause de la crise, ben elle fait faillite parce qu'à un moment donné, c'est bien beau les prêts du gouvernement, mais ça a ses limites. Puis par la suite, on dit à la personne, ben écoute, tu peux opérer ton commerce, mais c'est notre propriété. Donc, il est comme nationalisé, un peu comme Hydro-Québec ou dans le temps du communisme où tout appartient à l'État. Puis là, c'est en fonction de leurs règles à eux autres. Puis là, ils peuvent mettre des chantages puis des mesures de contrôle, comme dire, par exemple, tout ton commerce va être plein de caméras partout pour surveiller les allées et venues. Mmh. Ensuite, il va falloir que tes employés soient vaccinés contre le coronavirus parce que sans ça, ça représente un facteur de risque et ainsi de suite. Là. Fait qu'ils vont créer un contrôle en amenant des gens à la faillite. Puis c'est sûr que présentement, il y a de la faillite, là, c'est sûr, au Québec, là, de petites et de moyennes entreprises. Puis, on dirait que malheureusement, comme les gens qui sont responsables des salles d'entraînement se sont comme dégonflés à dernière minute, alors qu'ils étaient supposés tenir tête au gouvernement pour rester ouverts, ben ils ont dit non, ils n'iraient pas de l'avant avec ces mesures-là. Fait que c'est sûr que quelque part, il n'y a pas de rapport de force qui se fait présentement là, avec le gouvernement. Là. Le Québec n'a aucune mémoire d'une dictature. On n'a aucune idée de ce que c'est qu'une dictature, premièrement. Ben, je dis ça, mais c'est pas réel, parce que dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, avec les Allemands, il y avait, comment il s'appelait, le premier ministre du Québec, qui était fasciste, là, les enfants de Duplessis, une forme de dictature, mais il y a peu de monde qui s'en souvient. On n'a pas de grosse mémoire des dictatures, puis on a de la misère à reconnaître quand ça s'installe. Présentement, on est en train d'installer une dictature, puis les gens pensent qu'on est paranoïaque. Exactement. La croyance religieuse au Québec est pas loin de nous encore. Hein? Il y a beaucoup de gens qui croient à leur gouvernement comme avant, on croyait en Dieu ici. C'est le gouvernement de Dieu. Puis c'est cette croyance-là qu'on est en train de brûler au Québec. Là. Puis les gens commencent à s'éveiller. Moi, je le vois là, tranquillement. On commence à trouver ça de plus en plus étrange. Mais quand tu parles à des gens qui ont connu un peu la dictature, moi, j'en ai quand même beaucoup de gens autour de moi d'autres communautés ethniques québécoises. Là, puis c'est drôle, ils comprennent très bien ce qui se passe. Ils la game, eux autres. Exactement. C'est peut-être le fait qu'on est un peuple qui a peu de mémoire. Il y a des événements du passé qui, dans ce cas-ci, dans une certaine mesure, peuvent jouer en notre défaveur. Tandis que d'autres peuples, c'est sûr que quand il y a eu le confinement là, au est-automne, avec le couvre-feu en France, bon, bien, il y a des gens qui faisaient circuler sur Facebook là, des affiches du temps de la Deuxième Guerre mondiale où les nazis demandaient le confinement en France. Pas le confinement, pardon, le couvre-feu. Des vieilles affiches. Oui, du couvre-feu. Fait que là, ça faisait écho à un événement historique. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de couvre-feu depuis la Deuxième Guerre mondiale en France. Fait que là, il y a un rappel historique en disant, ouais, c'était une dictature, l'ancien couvre-feu. Fait que là, ça allume des lumières, tandis que nous autres, on n'a pas connu ça ici. C'est ça. C'est plus long l'éveil un peu par ici, parce qu'on a eu quand même des gouvernements assez complaisants jusqu'à présent. Ça change de tone un peu. La musique est moins drôle. Mais, en tout cas, moi, je pense que comme il n'y a pas de hasard, on peut se questionner sur pourquoi qu'on vit ça. Tiens, individuellement, c'est un beau temps pour se ramener à notre contact intérieur, premièrement, je trouve ça. Il n'y a pas de hasard, hein, ce qu'on vit. Il n'y a rien de hasardeux. Si pour moi, je pense pas que j'écris ma vie. Je pense que je vis un plan de vie déjà prédéterminé. Alors, tu sais, les gens, s'ils sentent un peu, on peut parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se sentir mal à l'aise, restreints dans les mouvements qu'on a. Mais il y a une raison. Je pense qu'individuellement, on peut regarder à quoi sert ce confinement-là pour chacun de nous, tu sais. Exactement. Moi, ça m'a fait voir quelque chose, je peux le parler ouvertement, parce que ça m'a fait voir une faille dans mon ego, moi, le confinement. Ça m'a permis de voir quelque chose que j'avais complètement oublié, que j'avais été confinée jeune. J'ai connu le confinement enfant, moi. Dans ma famille, la liberté, ça, plus on vieillissait chez nous, plus moins on avait de liberté. Parce qu'on vivait dans un mensonge. Dans ma famille, c'était, comment dirais-je, ma mère souffrant de maladie mentale. Mon père faisait tout pour qu'on reste collé dans la maison avec notre mère puis qu'on puisse pas connaître sa double vie, parce qu'il y avait une double vie. Donc, plus on vieillissait, plus on était confinés. Moi, à 15-16 ans, je ne pouvais pas faire du vélo avec mes amis. Il fallait que je reste à 2 mètres de chez nous. J'exagère à peine, là, mais... Et dans ce confinement-là, j'ai dû repasser dans cette affaire-là émotionnellement pour pas tomber dans la rage d'être confiné, parce que moi, ça m'éveillait une colère énorme, ce confinement, parce que ça me rappelait. Fait que, tu sais, on peut tout faire un petit exercice. Oui, comme parce que ça peut faire écho à des mémoires traumatiques. Pardon? C'est parce que dans certains cas, le confinement, ça peut faire écho à des mémoires traumatiques ou de choses difficiles qui ont été vécues dans le passé. Tout à fait. Il y en a d'autres qui vont se sentir très confortables dans le confinement parce qu'ils se sentent coucounés, enveloppés, puis tout le monde décide pour eux autres, ça va bien. Alors, regardez-la, celle-là aussi. Ben oui. Je veux dire. On a tout un moyen. En tout cas, moi, je pense que tout nous peut servir à prendre conscience de quelque chose. C'est dans ce sens-là que je ne crois pas au hasard. Je ne me crois pas par hasard dans le confinement, puis victime d'un confinement. Mais je pense que c'est important que je vois cette clé-là, moi, en tout cas, pour moi. Cette mémoire-là, ça a permis de la dégager aussi. Je me sens très bien dans le confinement maintenant. Ben, je ne suis pas confinée dans ma tête. Okay. Oui, parce que le confinement le plus grave pour moi, ce n'est pas celui sur le plan physique, mais celui sur le plan psychique. Et psychologique avant tout. Il y a un gros choc psychologique qui se passe à la planète, David. Ça prend une crise pour provoquer le contact, en passant. Ben oui. Le contact, on l'a, mais il n'est pas toujours actif, il n'est pas capable de communiquer avec nous tout le temps. Fait que ça prend une crise psychologique. Là, elle est mondiale, la crise psychologique, puis le choc est gros. Mais... on vit individuellement des chocs psychologiques pour décoller quelque chose, pour pouvoir aligner justement une communication plus fluide avec notre source. T'sais. Pour moi, c'est la source là, originale. Il n'y en a rien qu'une, à mon avis. Là. Il n'y en a pas 2 millions. Ben oui. Donc, ces crises-là, le COVID, tout ça, c'est des crises qui nous permettent de prendre conscience de notre propre contact. L'avenir appartient à quelqu'un qui a un senti. On nous ment tellement. Comment tu fais pour savoir ce que... Tu sais, là, on tombe dans des guerres de vérité. Puis qui, moi, mon senti, c'est que Trump va être élu. Et je vous le maintiens. Ben moi aussi. Jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Puis... on s'amuse. Exactement. Puis je discutais à des gens, parce que là, c'est sûr, hier, j'écoutais le bulletin de nouvelles, puis annonçant à grande pompe que Biden était élu, puis il faisait la cérémonie, puis la fête. Puis moi, ça me disait tout le temps intérieurement, non, Trump, c'est pas fini son histoire, puis... avant de tourner la page, on va regarder qu'est-ce qui va se passer d'ici le mois de janvier 2021 par rapport à Trump, parce que s'il va en Cour suprême puis un recomptage des votes, peut-être qu'il y a des gens de nos médias de masse vont avoir des petites surprises qu'ils n'aimeront pas. Surtout qu'ils ont dénigré pendant toute la campagne Trump en le faisant apparaître tout le temps pour un imbécile, en faisant des citations de lui-même qui étaient prises là, souvent hors contexte ou... tu sais, pour vraiment le diaboliser, là. Exactement. Ben, il faut dire qu'il ne s'aide pas des fois non plus lui-même. Là. C'est ça. C'est pour ça que je dis que je suis vraiment pas la personnalité. D'ailleurs, j'avais des discussions avec deux de mes amis dans le temps, il y a peut-être un an et demi de tout ça avant le COVID. Une de mes amies, elle avait quand même une bonne vision de la politique américaine, puis elle me décrivait Trump comme quelqu'un d'intéressant. Puis même il y a un an et demi, je disais. Je suis pas capable de le voir intéressant, ce gars-là. J'ai l'impression que quand il parle, il fait rien que dire des conneries. Parce que j'étais pas allumée comme je le suis là. Puis elle avait raison. Elle était déjà, elle, dans la vision de tout ça. Puis elle me disait, Mona, tu vas voir, Trump, il y a une fonction, tout ça, avec le temps. Elle a raison. Mais moi, sa personnalité, mon ego, si j'écoute mon ego, je vais sauter dans la face. Non, exactement. Il est arrogant, il y a plein de défauts de cette personnalité, mais Ouais. tu fais pas la guerre à des gens aussi riches et arrogants sans avoir cette même capacité qu'eux que d'être aussi arrogant. Je sais pas comment te dire, mais tu n'engages pas le combat avec quelqu'un que tu sais que tu vas perdre d'avance. Moi, là, comme combattre les deep state, je peux pas. C'est pas ma fonction, puis j'ai pas l'argent pour, puis il y a plein de raisons qui font que je ne pourrais jamais faire ça. Mais Trump, il est utilisé pour ça, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire le combat à ces gens-là. C'est gros, le Deep State, là. Oui, C'est puis Trump, il a énorme. un gros ego pour faire face à ça. Ben, c'est ça que je veux dire, ça prend un ego de même détestable pour canaliser. Écoute, ben, cette merde, il peut se faire tuer n'importe quand. Qu'on le veuille. Puis ça a commencé bien avant ces élections. Moi, j'ai lu des choses sur lui en 2012. Déjà, on le scrapait en 2012, imagine. Il n'était même pas élu en 2014. On était déjà anti-Trump parce qu'il voyait venir que ça s'en venait, les démocrates. Fait que ça fait tellement longtemps qu'on se fait laver le cerveau que Trump, c'est un pourri. Mais il n'y a rien d'autre qui se dit sur lui. Tu sais, les gens, ils peuvent quand même. Juste le fait qu'un individu n'a jamais de qualité. Juste ça, là. Ça se peut quand même pas. Non, exactement, Peux parce qu'on qu'il n'y a jamais le. eu la part des choses des médias de masse. T'sais. Ils peuvent présenter des mauvais coups, mais pour équilibrer des bons coups, ça s'est jamais fait par rapport à Trump. C'est tout le temps montré, lui, dans ses failles, puis des choses qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Puis mondialement, c'est Oui? ça qui est drame. C'est pour ça que Trump, ça, c'est très brillant comment ils ont bâti ça. Moi, je pense que derrière ça, c'est l'armée américaine, en passant, qui est derrière ce qu'on appelle Pew, là. Moi, pour moi, c'est l'armée américaine qui, bien avant les élections de 2016, avait déjà contacté Trump pour faire ce job-là. Parce que ça fait longtemps que les élections américaines sont noyautées par la fraude. Ça a commencé bien avant Trump, là. Peut-être Eisenhower, je sais pas trop. Mais c'est pas d'hier. Puis je pense que c'est ça le ménage qu'ils veulent faire. Que ça fait trop longtemps que ça dure, puis qu'il faut qu'ils protègent la Constitution américaine, dans un sens. Oui, mais le Trump, ce qui est intéressant, c'est que comme mérite d'avoir été un président de paix, dans le sens que depuis son règne Tout à d'il y a fait. 4 ans, il n'a pas engendré aucun nouveau conflit à l'échelle internationale. Il n'a pas fait de guerre en Irak, en Afghanistan ou à d'autres endroits, là. Syrie. 5 prix Nobel. Il y a cinq. J'ai appris ça aujourd'hui. Il y aurait 5 plans de paix pour lesquels Trump serait proposé comme prix Nobel. 5. C'est du jamais vu comme président des États-Unis. T'sais, on a beau dire ce qu'on veut sur Trump. C'est comme tu dis, il n'a pas fait de guerre. Il a quand même rebâti l'économie américaine. Il a rebâti ça sérieusement au point qu'ils ont tellement eu peur qu'ils se sont arrangés pour scraper ça. Les Américains le voient, ça, de l'intérieur. Nous, on ne peut pas voir ce qui se passe puisqu'on ne nous montre rien, à moins d'aller chercher des contacts aux États-Unis directs ou des gens qui sont informés, qui nous informent, qui sont en dehors des médias de masse. Mais on peut pas suivre ce qu'on voit dans les médias de masse pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Puis il n'y a pas de reset économique sans les États-Unis possible. Donc, si les États-Unis se tiennent debout à travers tout ça dans les prochains mois, il n'y a pas de reset économique possible sans les États-Unis. Non, c'est ça, parce que s'il n'échappe pas le scénario qui est proposé par le Forum économique mondial qui se réunissent à Davos, ben à ce C'est moment-là, les ça. États-Unis étant l'un des plus gros joueurs à part la Chine puis la Russie, ça pourra pas s'implanter au niveau international. Puis Ou en la tout cas, Russie a c'est plus déjà pris probable. position contre la mondialisation. C'est une économie libre, la Russie, en passant. Ils ont leur propre argent qui imprime. Ils ne dépendent pas des banques du monde. C'est l'économie de pays libres versus une économie mondiale, l'enjeu. C'est ça le vrai enjeu. Puis je pense pas qu'on s'en va vers une mondialisation. Même si on voit un show qui est bon, je pense qu'on est à la fin du show plutôt qu'au début du spectacle. On voit la fin de la chose. Pour ça, je pense être témoin de la descente en enfer de ce monde-là. C'est le petit 1% de la population mondiale. Puis c'est pas fini, David. Je suis sûr qu'on va avoir plein de dévoilements d'ici 2 ans encore. Donc, ben, c'est sûr Peut-être que. plus vite que ça m'a dit plus Oui. vite que ça encore. Ça va très vite, hein? Ben, moi, je sens qu'il y a une accélération, là. Tu sais, tu regardes l'actualité, puis il y a plein de choses, puis ça déboule, puis tu sais, des choses spectaculaires, là, comme là, il y a eu 15 millions de visons qui ont été tués au Danemark. Parce que, oui, on tue des animaux massivement parce qu'on dit qu'ils porteraient une version modifiée du coronavirus. Puis comme les vaccins qui se Quel préparent, est le but? ben, Quel est le c'est but ça qui de ça? serait. C'est pour ça que je t'amène ça, là, tu sais. C'est une bonne question que tu Ben, poses. Puis moi, je me pose aussi, là. Moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent à faire peur aux gens en disant qu'il y a des animaux contaminés. Puis s'ils tuent plein d'animaux, à un moment donné, il va peut-être avoir une rareté de la nourriture. Tu sais, s'ils tuent des vaches ou d'autres animaux que les gens mangent. Là, les visons, on n'en Exact. mange pas, mais. Je veux dire, si ça serait des poulets massivement ou des cochons, ben là, tu vas créer peut-être une pénurie de nourriture, puis par la suite, tu vas pouvoir mettre encore plus des mesures coercitives pour contrôler les gens, les rationner au niveau de la nourriture pour les contrôler. Ah oui. Tous les coups bas sont permis, on en est là, c'est ça. C'est alimentairement ou de faire crever une industrie qui est fonctionnelle. Ils ont fait la même chose avec des moutons en Islande. Il y a un monsieur qui a fait une sortie sur Internet, un Islandais, qu'on Exact. l'oblige à tuer ses 700 moutons pour les raisons du COVID, là. Il dit, ben là, mes moutons, ils vont très bien. C'est quoi votre problème? Ah, c'est pas notre problème. Nous, il faut que tu tues tes animaux. Je les tue comment? On s'en fout. En autant que tu les tues. Ben, c'est ça, là. C'est parce qu'à un moment donné, ça va loin, l'histoire du COVID, là. Tu sais, si tu commences à tuer des animaux, là, bon, Mon chat! Peut-être qu'ils vont vouloir tuer nos chats Ben oui, au pour le cas où qu'il y ait le COVID. COVID. On est dans un monde où, quand on est lucide, moi, ce que je trouve difficile, c'est de voir clair puis de contenir ça. Ça, si on veut parler de conscience, Oui, ben parce que c'est un oui. peu pour ça qu'on est là, ce qui est le plus difficile, c'est de voir clair puis de voir qu'on ne peut rien faire. Présentement, moi, je te disais ça tantôt, je pense que pas. Pourquoi les restaurateurs ou les gyms ont reculé ou reculent? C'est pas le temps de bouger. Présentement, il faut attendre de voir ce qui va se dévoiler. C'est plutôt en février prochain que ça va bouger, là. Janvier, février OK. prochain, Mais je vais que le t'arrêter monde va se ici. lever. Pour dire qu'il y a quelque chose à faire sur le plan individuel, dans le sens que pendant que ces choses-là se déroulent au niveau collectif, ben s'occuper de soi, tu sais, s'alimenter comme il faut, faire des exercices comme du yoga, entre autres. Je dis ça, je fais exprès parce que je sais que tu es prof de yoga, entre autres. Mais je veux dire, s'occuper dans un état d'être qui est sain plutôt que de vibrer à la peur, l'anxiété puis l'angoisse que cherchent à véhiculer les médias puis nous implanter psychiquement, là. Ou si tu vibres la peur de la regarder, individuellement, la peur, c'est intéressant à regarder. On est là pour régler ça, là. Réglons nos peurs, là, on est dedans, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct de vivre la peur de mourir. Oh oui. Mais regardons-la, si on se dit conscient, c'est là, c'est ça. Individuellement, c'est notre travail. Puis d'être bien. Être bien, ça veut dire quoi? Ça dépend de chaque personne, là. On a tout un équilibre à trouver. Bien manger, mais moi je pense surtout qu'il faut regarder tout bien manger, oui, bien s'entraîner, oui, tout ça. Mais regarde comment ça pense. Je sais pas combien de personnes me parlent de bien manger puis sont obsédées par bien manger. Mais oui, mais c'est une obsession. Non, t'as raison, ces gens-là sont Obsédé pas par bien libres. manger ou obsédé par pas manger ou l'anorexie ou casser toute forme d'obsession puis de dogme. C'est ça le but. Bien manger, ça. Manger une poutine, ça peut être excellent une journée précise dans ta vie. Tu comprends mon point? Il n'y a Oui, pas de ben morale oui, à pour pas être, avoir se soumettre à d'être des bien règles manger. rigides là, qui sont castrantes là, tu sais, comme de surveiller la quantité de calories à chaque repas, puis là, faut-tu mettre le repas sur une balance, puis faut pas que tu dépasses tel poids, parce que hey, c'est super culpabilisant, c'est comme une espèce de forme de religion alimentaire là. Ben, c'est ça que je veux dire, de regarder ça, si on tombe dans des dogmes individuellement ou c'est de la peur, ça. Vouloir bien manger, t'as peur de quoi? Mourir? Si tu manges pas bien? Si t'as peur sous-tend ton attitude, t'es dans la merde. Oui. T'as peur de mourir. On est-tu assez arrogant? Excusez-moi, là, on a peur de mourir d'une grippe, mais Chris, qu'est-ce qui te dit que demain matin, tu vas sortir dehors, tu seras pas mort en te faisant frapper par un char? Exactement. Qui connaît la date de sa mort et comment il va mourir? Amenez-moi les gens qui savent ça. Moi, j'aimerais savoir ça. Puis je vais te regarder mourir jusqu'au bout. Il y en a qui doivent connaître leur date de péremption, là, mais c'est rare. Ce que je dis, c'est ça. Assez rare, puis moi, ce que je peux te dire aussi de sources quand même directes de gens que j'ai connus qui ont été des diffuseurs de conscience, je n'aimerais pas des noms pour leur porter préjudice, mais je sais très bien qu'ils avaient déjà annoncé le moment de leur mort, puis dans certains cas, ça ne s'est pas réalisé, là, tu sais. Puis ça, c'est des gens qui avaient plusieurs années de cheminement, là, de conscience, là, tu sais. Ben, c'est pour ça que je dis, on ne le saura pas. On le sait. J'ai pas à savoir quand je vais mourir. C'est une question de curiosité. Ils me répondront jamais. Oubliez ça. Tout ce qui répond à curiosité, j'ai jamais eu de réponse avec mon contact. Mais tout ce qui me sert à mon quotidien, puis que je... vibrer, là, quand on dit vibrer, c'est pas réfléchir, puis c'est pas penser. Quelqu'un, j'ai lu le temps, il y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait, plus on se nettoie de notre astralité, plus nos pensées sont intelligentes. Depuis quand qu'une pensée, c'est intelligent? Non. Il n'y a rien à voir avec la pensée, c'est une vibration qui peut se transformer en une pensée c'est ou une ça. Image. Mais une vibration, c'est un envie de chier, on va se rappeler ça. Là. Une vibration, c'est un envie de chier. Regardez-moi la face, là. C'est un envie de chier. Tu te lèves le matin, puis tu es poigné pour faire quelque chose. Ça, c'est une vibration. C'est pas, hey, j'ai réfléchi pendant 6 mois, puis là, je vais bouger pour faire le développement de mon entreprise. Ça, c'est un autre mécanisme. Non, c'est plus réflectif. Mais... Tant que la réflexion, c'est comme quelqu'un qui a la diarrhée. Il n'y a pas le choix. Moi, c'est une vibration, c'est très intempestif, c'est pas le bon mot. Ben c'est intense. Ben en tout cas, ça nous pousse dans le cul, excusez-moi l'expression oui. québécoise, c'est plate et vulgaire, mais une vibration, c'est pas réfléchi, c'est pas une réflexion à... C'est sûr que samedi, va te jeter en bas du pont, hein, moi, hey, qu'est-ce qui me parle dans le cadran? C'est pas moi qui pense, c'est jamais moi qui pense. Mais des fois, ça ce que j'ai comme vibration, ça a plus d'allure que ce que j'ai comme pensée, c'est ça que je veux dire. Hier matin, je me lève, mettons, j'ai une pensée, j'avais à penser qu'il fallait que je donne mon cours, mais j'étais fatiguée. Fait, ce que j'ai fait, j'ai annulé mon cours. Mm-hmm. Point. C'est la première fois en 20 ans que je fais ça. Mais si je suis mon intellect, ma pensée ou la réflexion, je vais donner mon cours puisque je suis pas malade, je suis juste fatiguée. Une vibration, c'est que ça s'empêche pas. J'ai pas pu m'empêcher d'annuler mon cours. J'avais zéro énergie. Lever mon dos, ma main était compliquée. Tu sais. Non, mais c'est de se respecter, c'est de s'écouter d'abord. Puis c'est imprévisible, c'est ça que je veux dire. Une vibration, c'est imprévisible. Je me suis pas levée hier matin en me disant, j'ai pas le goût de... Tu sais, je me suis levée, puis ça a fait, t'as pas... aujourd'hui, t'as nul. T'es pas en forme. Point. C'est ça, la réalité. C'est pas été réfléchi, ça a été une action, une pensée. S'il y en a une, là, c'est une pensée non réflexive. J'ai eu à agir. Si je l'avais pas faite, je ne sais pas le prix à payer, ça ne m'intéresse même plus de le savoir. J'écoute comme un soldat maintenant. Le prix à payer, quand je n'écoute pas ma vibration, me coûte tellement cher depuis 40 ans que j'ai compris. Bien, au fil du temps, on se discipline, c'est-à-dire vivre des contre-coups énergétiques liés à un comportement de manque d'ajustement. À un moment donné, la facture est lourde à payer. Là. Ben, en tout cas, mettons que je vais avoir un coup de batte de baseball dans le front à chaque fois, ça ne m'intéresse pas. Là. Fait que l'ego convient à ce qui s'éduque, je ne sais pas. Ça me répond que non. Ça me dit que ça ne s'éduque pas, mais ça se libère comme mémoire. Fait que comme tu as moins de mémoire dans l'ego, tu as moins de résistance. Je résiste plus, c'est ça que je dis. Si moi, ça me dit tu tournes à gauche, je tourne à gauche, puis je ne demande pas pourquoi. Parce que je demande pourquoi, ils ne me répondront pas. Non, je comprends. C'est vraiment une vibration. C'est ça. Puis c'est intéressant comme fonctionnement psychique parce que ça nous amène dans une dynamique très différente de celle que les élites visent à instaurer sur Terre, les élites mondialistes, avec leur histoire de confinement. Puis là, c'est des règles de plus en plus rigides qu'on cherche à nous astreindre dans une mentalité de contrôle où la personne, par exemple, en France, là, à partir de 21h jusqu'à 6h le matin, n'a pas le droit d'être sur la rue. Ça y prend une autorisation. Il faut qu'elle remplisse, par exemple, pour faire de l'activité extérieure. On m'a rapporté ça, entre autres. Ensuite, on nous amène à les commerces, le lavage de mains, l'eau bénite. Je fais des farces avec ça, avec une Purelle à l'entrée. des lieux d'achat. Les flèches à terre, le masque. Puis là, on parle du masque. Il y en a qui font pression pour que les jeunes, à partir de 6 ans, portent le masque en classe. Il y a toutes sortes de... Il y en a qui veulent de plus en plus de mesures, puis derrière ça, je vois tout le temps une espèce d'escalade de la peur qui amène une compulsion dans le désir de mettre des mesures de contrôle pour essayer de se protéger, mais il y a comme une espèce d'enlisement à travers ça là, que j'observe là, au niveau social. Là, Fait que c'est très différent du fonctionnement vibrer puis agir que vous avez amené, entre autres, Daniel Ménard là, à travers ses conférences là, au fil du temps. Là. Ouais. C'est à l'opposé de la réflexion, c'est à l'opposé de la peur. C'est vibrer puis agir, c'est ça. Ça t'oblige à te mettre un peu dans le vide à un moment donné. Mais c'est au rythme de chacun. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est fait. C'est un processus. Moi, je pense que c'est un processus de suivre une vibration. Tu sais, comme je te disais, je veux vendre ma maison. Je t'ai parlé de ça cet été. Ça, c'était la peur qui me faisait ça. Parce que jusqu'à présent, ma maison n'est pas vendue parce que je ne suis pas capable de bouger. Fait que là, j'ai dit, pourquoi je ne suis pas capable de bouger? Ben, ça m'a dit, parce que tu veux bouger, parce que tu as peur. Pas de bonne raison. Ah ouais. OK. Fait que j'ai dû le regarder, tu sais. Puis là, j'ai plus le goût de vendre ma maison, mais j'achète un terrain. Le terrain, il est à quel endroit, par contre? Mais là, on est en processus, on cherche. On n'a pas trouvé encore. Là, OK, mais je veux dire... Moi, je suis pas fermée, j'ai pas de... Je laisse la vie décider. Ça va de Sutton au nord des Laurentides. Je sais pas. Okay. Il y a des conditions là, de grandeur de terrain. Puis moi, j'ai un petit chalet, là, quelque chose de bien simple. Ce que ça me dit, c'est un endroit où je vais aller me régénérer pour l'instant. Je sais pas. On a un budget. On verra ce que le monde nous... ce que la vie nous amène. J'aime bien Sutton. OK. Le nord des Laurentides, j'aime ça, mais je trouve que le monde est... Quand je pars de Montréal, m'en aller là, je suis toujours en train de sacrer. Fait que je suis pas sûre que c'est une bonne idée que j'aille là. Il y a trop de monde. Ben, c'est-à-dire dans le nord des Laurentides, c'est des beaux endroits là, en nature. Là, on est loin là, du smog à Montréal, puis le volet est très compacté au niveau énergétique, là, puis en tension. Là, par contre, c'est sûr qu'il y a des gens de haute spiritualité, mais il y a quand même des gens qui touchent un peu plus à une conscience supramentale aussi là, dans le secteur. Oui, c'est juste le transport, parce que Montréal, quand je sors de Montréal pour aller dans le nord, il n'y a plus de journée où tu as paix, c'est toujours plein de monde. Mais même dans le... Ah, ben il va peut-être en avoir moins avec le télétravail, là. Là, le gouvernement met de plus en plus de pression pour que les gens télétravaillent, là. Puis là, on dit que les éclosions de COVID dans les milieux de travail, puis là, il va falloir qu'ils réduisent encore ça, puis... On va finir Noël en confinement! Ben, on pourrait faire des prédictions là-dessus. C'est Noël. Je peux pas te prédire quoi que ce soit, mais ce que je sais, c'est qu'ils vont tout faire pour que le plan passe. Fait que quand on dit tout faire, c'est tout faire. Oui, pour nous. L'éveil va se faire. Moi, je sais que les gens vont se réveiller au Québec. C'est une question de temps dans le monde, mais au Québec aussi. Mais on est lent aussi. On est lent. On était d'un premier à se réveiller. Quelques centaines de gens, milliers de personnes sont réveillées, mais... Il y a encore beaucoup de gens qui croient. Moi, j'en parle aux gens autour de moi, là, puis les gens croient encore des nouvelles pas mal. Non, exactement. Mais moi, j'ai l'impression que lorsque le respirateur économique artificiel, c'est-à-dire la PCU, la prestation canadienne d'urgence qui est devenue la PCRE, quand que ces mesures-là vont tomber, là, moi, j'ai l'impression que le réveil va se faire parce que la personne qui a 2000 par mois puis est entretenue par le gouvernement est relativement bien, mais le jour qu'elle a plus ça, moi, j'ai l'impression qu'elle va vivre un choc de réalité là, où qu'il y a des coupures dans les programmes sociaux, où on augmente les taxes et les impôts, mélangés avec des coupures. Quand il va y avoir des circonstances plus astreignantes, encore que les mesures de confinement, mais que ce soit au niveau économique, probablement que moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gens qui vont s'éveiller davantage. Là. Des fois, je me demande comment les gens peuvent encore pas voir clair, là, mais ça, c'est mon côté, l'ego Mona, là, mais tu sais, on fait juste regarder les commerces qui ont gardé ouvert. C'est quelque chose que je comprends pas, moi, là-dedans. Costco, c'est fondamentalement important, mais les métros ont fermé dans le temps du premier confinement, puis qu'ils vont refaire, là, qu'ils vont s'essayer encore. Réno dépôt reste ouvert. Ouais, c'est fondamental, là, c'est essentiel de rénover dans la vie, c'est effrayant. Il donnait comme exemple, si quelqu'un, par exemple, il y a un bris de tuyau, pour pas qu'il y ait de fuite d'eau chez lui, bien, c'est important qu'il ait accès aux ressources pour la réparer. Bien, si c'était réel, on aurait ouvert les petites surfaces puis fermé les grandes surfaces. Parce que plus il y a de monde, plus il y a de chances qu'on se contamine, non? Exactement. Ça, c'est intéressant parce que les gyms amenaient ça comme argument pour être ouvert en disant vous empêchez notre commerce où il y a moins de gens qui se réunissent qu'au Costco et des grandes surfaces comme Walmart. Et vous avez jamais fait la démonstration que dans un gym ou un restaurant, il y a eu des cas d'éclosion de COVID, alors qu'il y en avait eu chez Costco puis d'autres supermarchés là, canadiens, d'autres endroits aussi, là. Ah oui, c'est ça. Pour ça, je dis que depuis... C'est là que j'ai décroché, lors du premier confinement, que j'ai décroché l'idée. Au début, on y croit, là. On dit, oui, un COVID, une maladie. OK, OK. Mais à un moment donné, quand tu vois toutes les mesures qu'ils ont prises, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec une pandémie. Ça, c'est des décisions économiques qu'ils prennent. C'est pas des décisions de santé publique. Oui, puis on nous demande d'avoir la foi sanitaire pendant ce temps-là. Puis des décisions en effet totalement arbitraires. C'est sûr que pour moi, le coronavirus peut exister, mais c'est un prétexte qui est utilisé présentement par les gens de l'élite économique pour justement amener à terre là, la petite moyenne entreprise, puis qu'il y ait juste les gros joueurs, puis là, il y a des monopoles qui se créent, puis là, c'est plus facile à contrôler que plusieurs commerces indépendants. Oui, puis on peut se demander aussi pourquoi ils l'ont jamais nommé, pourquoi ils disent tout le temps COVID-19 quand c'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est SRAS-2, COVID-19. Exact. Exact. Ouais, ouais. Mais pourquoi ils ne se servent pas du vrai nom? Parce que quand tu fais de la recherche, puis vous pouvez regarder les gens, aller voir sur Wikipédia, même sur Wikipédia, on trouve ça, imaginez qu'il n'y ait même pas une référence, là, que le SRAS, oui. Ils ont découvert en 2005, pardon, le traitement contre un SARS. Un SRAS, des SRAS, bon, je trouve de la misère. Un SRAS, oui. S-R-A-S, bon, oui. C'est ça. Bien, ça, ils ont déjà trouvé un médicament à ça en 2005. Qui est quoi? La chloroquine. Ah! En 2005, la chloroquine fonctionne contre un SARS-1. Puis là, d'un coup, contre le SARS-2, ça ne marche plus. Puis on élimine même de la chloroquine du marché après 70 ans d'utilisation de bon fonctionnement. Hey, c'est plus bon, ce médicament-là. Il est devenu dangereux. Moi, c'est là que je décroche ça. C'est là que j'ai fait, voyons donc, ça n'a aucun sens. Mais tapez SARS, puis allez dans des études un petit peu plus loin que Wikipédia, vous allez trouver l'information que je vous dis. En virologie, c'est une revue de virologie qui écrivait un article en anglais en 2005 qui ont trouvé un traitement au SRAS-1. Puis la chloroquine de Didier ouais. Raoul, ça fonctionne. Oh, il est devenu le truc de la planète, lui, d'un coup. Quand est-ce que les gens vont s'éveiller? Quand est-ce que les gens vont comprendre que c'est là que je te dis qu'il faut aller au bout? Parce qu'il y a trop de monde qui dorme. Fait qu'il faut attendre que les gens se réveillent pour qu'il y ait une masse critique pour faire quelque chose. Oui, puis il y a une masse critique qui s'éveille, puis il y en a beaucoup qui... Là, je ne veux pas parler de ça, parce qu'après ça, on va me faire des tombe-tombe. Mais il va y avoir un gros ménage sur la planète. La cinquième race racine ne pourra pas nous tirer en arrière tout le temps, là. Oubliez ça. Puis la quatrième race, encore moins. Non, c'est sûr qu'il y a plusieurs races impliquées dans cette histoire. Oui, puis il va y avoir beaucoup de monde qui vont partir bien vite l'autre bord. Mais là, je vais parler d'autres choses. Je n'ai pas le goût de parler... Ça, c'est de la médiumnité, puis dévoiler ces choses-là, je pense que ça peut faire peur, puis je veux pas faire peur aux jeunes, mais c'est pas l'objectif. OK, bien c'est correct. Sinon, je voulais t'amener sur un autre terrain. Oui. Je voulais t'amener par rapport aux prédictions spirituelles, dans le fond, qui peuvent être faites. Là. Parce que là, sur Internet, on est avec la crise, là, depuis plusieurs jours, il y a toutes sortes de prophéties, d'annonces qui sont faites. Et c'est sûr que j'ai l'impression que ça peut être une zone de perduction là, pour plusieurs personnes, là, d'être pris dans une espèce d'amalgame là, de couleurs bonbons là, spirituelles, que grâce à la crise, tout à un moment donné, les gens vont... Tout va aller bien après, là. Ça va bien aller. Oui, exact. Moi, j'étais un peu comme... J'ai écouté Bertolt, l'entrevue de Bertolt et toi, la dernière entrevue. J'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, je le mentionne. Je suis un peu comme Bertolt, moi, rendu là. C'est comme... J'ai encore la peur. Toujours la peur. J'ai perdu le fil. Après, ça vient de perdre le fil. Je viens de perdre le fil. Non, mais c'est intéressant, l'histoire de « Ça va bien aller » qui a été véhiculée ici au Québec depuis plusieurs mois. Puis on nous faisait croire, ah, c'est juste temporaire. Puis finalement, les mois passent, puis ça va de plus en plus mal. Donc... Finalement, ça va aller encore plus mal parce que le monde ne comprenne pas. Ça prend un choc psychologique, ça, je te disais. Ça va être très rough comme choc psychologique, je parle avant tout. Psychique, ça, c'est une suite. Mm-hmm. Mais ça prend un choc psychologique pour faire lever la crasse. Fait qu'on s'en va pas rien que d'une petite crise, là. J'ai une grosse cri-crise qui nous débarque à petites gouttes, là, tranquillement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, c'est ça que je veux dire. C'est la fin de D'un ce monde. monde. Oui, c'est ça. Oui, La nuance est ça c'est importante. clair. Oui, ce monde de crosseurs, ce monde d'involution, ce monde où c'est l'astral qui nous instruit, qui soit le haut astral spirituel, parce qu'on parle de. Là, dernièrement, parce que je t'ai parlé de ce que j'avais reçu sans nommer personne. J'ai reçu dans mon courriel quelqu'un là, qui annonçait une sorte d'affaire. Puis moi, ce que je détecte, c'est toujours encore sur des bases de peur. C'est des vieilles formes encore que, tu sais, tant qu'à ça, la Bible nous disait bien qu'elle allait avoir la fin du monde, puis qu'elle allait avoir des déluges, puis que la terre va s'ouvrir en deux encore. Puis, excusez-moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable d'embarquer là-dedans. Ça me vibre pas. Je vibre rien, à part ce que je vois, c'est juste faire peur au monde encore. Puis là, le monde va se demander si je vais-tu sauver ma vie ou je vais crever avec le reste du. Tu sais, encore polariser les gens dans la peur. Pour ça, je dis, on est arrogant quand on. Moi, quand je me lève le matin, je dis, waouh, j'ai encore un bien matin, youpi! Parce que je suis très consciente que quand je me couche, à ce que je me lève pas, en passant. Ben, peut-être que j'ai Exact. passé proche de la mort deux fois, tu sais, dans le sens où si quelqu'un n'a jamais vécu la mort de proche, dans le sens où moi, j'étais sûre que j'allais mourir à 25 ans, frappé de plein fouet par un char, j'étais sûre, genre, même le médecin urgentologue m'a dit, mon Dieu, c'était pas dû. J'ai dit non, ça ne devait pas. Parce que moi, j'ai vu quelque part que je pouvais quitter la planète, mais je l'ai vu deux fois, ça. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça, peut-être c'est difficile d'intégrer que de vivre aujourd'hui, c'est vivre présent, être présent à soi, c'est pas dans se projetant dans toutes sortes de scénarios pétés. Il y en a d'autres qui veulent construire leur corps éthérique, d'autres qui veulent. Hey, excusez-moi, là. Oui, peut-être. Mais à quoi ça me sert? C'est pour ça que je suis comme Bertol. Je suis sur le bord d'aller planter mes carottes puis de regarder mes poissons rouges. Mais je m'en calisse. À quoi ça me sert de savoir Non, que je non. construis mon corps éthérique pour dans 200 ans? Peut-être que oui, c'est ce qui se passe. Je sais que c'est ça quelque part, mais dans mon quotidien, ça ne me sert à rien. Et c'est dans la forme qu'on va se fusionner et non dans la planète foin foin. Fait que moi, à partir de ça, je travaille sur mon quotidien puis mon bien-être individuel au moment présent. Exactement, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir une Puis le zone de. reste, C'est ça, il peut y avoir une zone d'égarement. Sinon, ben, si je pense à des gens dans le domaine de sérieux. la conscience qui ont annoncé la régence planétaire, même à ce niveau-là, moi-même, j'ai fait des enregistrements où ce que je parle, que je vois ça pour l'avenir, mais le danger, c'est de centrer son attention là-dessus au détriment d'être bien en vie de tous les jours. Puis, Puis attendre la régence c'est planétaire, ça, tant qu'à ça. exactement. Parce que à ce moment-là, ça devient une forme plus subtile. Tu sais, au lieu de dire on va attendre d'être au paradis ou les extraterrestres salvateurs, ben là, ça va être des gens qui vont faire partie du gouvernement supramental de la régence qui vont mettre de l'ordre sur Terre. Mais si on attend après ça, ben on est à la remorque d'un futur. Et c'est sûr que j'ai connu des gens dans le domaine de la conscience qui ont parlé de la régence planétaire. Puis finalement, ils sont décédés puis ils n'ont pas connu ça de leur vivant. Fait que là, c'est bien beau le rôle d'annoncer des choses pour l'avenir, mais à un moment donné, quelque part, ça peut être dans une certaine mesure une zone d'égarement si ça nous empêche de savourer le moment présent puis jouer de la vie, là. Oui, C'est ça. Fait exactement. que moi-même, je suis autocritique par rapport à ce que j'ai pu faire puis dire dans le passé. Puis c'est sûr que je dis aux gens, ben, occupez-vous de votre vie d'abord avant de vous préoccuper de qu'est-ce que ça va être la vie dans 2500 ans avec la régence planétaire. Peut-être dans deux semaines, mais Ben, c'est je vrai que les n'importe choses quoi, j'en serais mieux, s'accélèrent. On là. ne sait pas quand ça va se concrétiser sur Terre, mais je sens qu'il y a présentement un cycle d'accélération Va vite, qui ça se va très passe vite. là. T'sais, j'observe des changements concrets dans mon quotidien. Je te donne un exemple. Ma mère allait s'entraîner physiquement autrefois avec des personnes et elle était plus fermée aux nouvelles technologies. Puis là, tout d'un coup, ah, elle a Zoom sur son ordinateur puis elle s'entraîne devant l'écran alors qu'elle n'aurait jamais accepté ça auparavant. Fait qu'il y a des changements de comportement où les gens intègrent de plus en plus les nouvelles technologies, puis on les sent Tout pénétrer à de plus fait. en plus. J'étais chez Walmart, là, à un moment donné, faire des achats, puis le trois quarts des caisses, c'était des caisses où les gens servent eux-mêmes, là. Il n'y a plus de caissiers. Donc, les caissiers sont en train de disparaître dans les commerces pour être remplacés de plus en plus par des machines. Puis c'est sûr qu'on va dire, ah, en faisant ça, on réduit le risque d'exposition d'un être humain au COVID. Ben oui. T'es sûr? Ben, moi, je pense que c'est de mécaniser certaines choses pour libérer l'humain de certaines tâches, c'est pas nécessairement mauvais. Ça dépend comment c'est rentré, puis si c'est des pertes d'emploi aussi. Il y a beaucoup de facteurs dans ce qu'on dit. Mais j'ai pas de problème avec la mécanisation de ce qui. Moi, j'aimerais bien avoir un petit robot bien intelligent dans ma maison qui fait le ménage. Ça ne me dérangerait Oui, dans le pas. sens-là. C'est sûr que la technologie, ça peut être Elle peut elle peut servir, bien la servir, tu sais, technologie. ça peut être à double usage, tu sais, ça peut être autant utilisé négativement que servir créativement. Sauf que le point, ce que je veux dire, c'est que présentement, j'observe une augmentation de la technologie dans nos vies, puis c'est voulu avec la notion de télétravail, téléformation. On cherche à introduire ça rapidement dans la vie des gens, puis amener une autre société avec une dynamique où tout passe par la technologie. Tu sais, je vais te donner un exemple concret. Récemment, c'était la fête à ma mère, et pour, dans le fond, idéalement pouvoir se réunir, ben là, il fallait que j'écrive un message soit par Facebook, parce qu'elle est rendue sur Facebook, ou par téléphone, mais dans les deux cas, je peux être surveillé par le gouvernement, dans le sens que mes conversations peuvent être retracées. Que ce soit par le téléphone avec le réseau Echelon de surveillance mondiale ou Facebook aussi par un administrateur du site. Fait que là, si je veux la rencontrer avec d'autres personnes, puis on n'est pas supposé parce qu'on est en zone rouge, ben là, c'est sûr que ça nous amène dans des dilemmes éthiques parce que la technologie permet de contrôler ce qu'on dit, alors qu'autrefois, on voyait les gens en personne, puis ça laissait pas de traces technologiques, les échanges qui étaient orchestré, là, qui avait cours, là. Donc, tous les échanges qu'on a à travers, en vivant dans notre bulle chez soi, entre guillemets, en protection contre le coronavirus, nous met dans une position qu'à chaque fois qu'on communique avec les moyens technologiques, on laisse toujours des traces que on peut se faire surveiller par le gouvernement. Puis, c'est ça, là. Ça te dérange? Ben, en fait, je commence Ça, c'est... à m'habituer, là, je veux dire, Oui. parce que c'est sûr que Mais... depuis 2001, tu sais, on regarde comment que les choses se sont enchaînées avec le Patriotic Act aux États-Unis, suite aux attentats du 11 septembre. Les Américains ont eu peur qu'il y ait d'autres attentats, puis ça a servi de prétexte par la suite pour leur vendre la solution, avec le problème réaction-solution, que tout le monde, à partir de maintenant, pourrait être surveillé via les voies technologiques, au cas où qu'il y aurait des terroristes qui voudraient faire un attentat. Fait que là, ils ont amené dans la mentalité américaine qu'autrefois, pour quelqu'un soit espionné à distance, ben ça prenait le mandat d'un juge. Puis, à cause du Patriotic Act, croyez-moi pas, allez vérifier sur Wikipédia, c'est marqué noir sur blanc. Toute communication peut être surveillée à distance, puis c'est pas juste des citoyens américains. Fait que tu généralises ça à l'ensemble de la planète en contexte de COVID, puis une augmentation de la technologie dans nos vies. Ça veut dire que on est sous surveillance 24 heures sur 24. Oui, puis ils n'ont pas changé depuis le 2011. Même si c'était que 2001. temporaire, c'est resté 2001, C'est pardon. ça, c'est une mesure qui était C'est resté. temporaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Puis on sait très bien qu'il peut toujours y avoir des terroristes. Puis là, on est supposé de mettre en place des mesures temporaires pour la lutte contre un virus. Puis on sait très bien qu'il peut toujours y avoir des menaces de virus. Fait que là, si on met des mesures de confinement, puis des mesures sanitaires extrêmes au nom de la menace contre le virus, puis des mesures contre la lutte contre le terrorisme, puis à un moment donné, il va y avoir d'autres luttes contre d'autres choses, mais C'est si ça. ça s'additionne, ça devient de plus en plus une société où les gens sont contrôlés avec l'addition des mesures de contrôle, et ça devient étouffant. Et c'est peut-être là qu'à un moment donné, les gens vont, un peu comme quelqu'un qui est étouffé à la gorge, ben il va expirer, puis il va avoir un réflexe pour sortir de ça, là. Oui, c'est ça. Petit bouffée d'air. Exactement. Quelqu'un qui est trop étouffé, ça peut avoir comme impact paradoxal que la personne, elle va faire des choses qu'elle ne ferait pas autrement. Elle va sortir de sa zone de confort. Exact. Ben, ça va aller jusque-là probablement, l'écœurement total, que j'appelle, de contrôle, mais toujours dans le but. C'est quoi? C'est pas dans le but, on le connaît. Mais c'est toujours par le même phénomène de la peur. T'sais, on avait peur d'attentats terroristes à justifier la rentrée. C'est parce qu'ils savent comment jouer avec la peur des gens qui peuvent implanter ces choses-là comme ça. Comme là, ils font peur aux gens avec une fausse pandémie. Fait que là, oh, ça justifie l'entrée de nouvelles technologies. Là, il va y avoir une peur de manquer d'alimentation, mais ils ont tout fait pour qu'on en manque. Ils tuent les animaux, tout ça, sous prétexte de COVID. Il y aura une autre application pour des gens qui ont peur du mouton, mettons. C'est sans fin. Jusqu'à ce que le monde réalise, à un moment donné, Moi, je sais qu'il y a une masse critique d'humains qui, à un moment donné, vont être assez allumés pour que ça se renverse complètement. Est-ce que tu Sous peux quelle forme, te je tout sais pas. simplement déplacer un petit peu vers la droite? Encore? Oui, s'il te plaît. Oui, excusez. Excusez-nous, les gens qui nous regardent, parce que c'est la première fois que je travaille en visuel. Ben Il faut oui, pas faire facile, mon c'est ça. Hugo. Il y a pas de souci. On innove aujourd'hui dans nos activités de discussion, mais c'est intéressant de l'aborder. Le principe, d'ailleurs, il y a à peu près 20 ans, j'avais lu ça dans un livre de David Icke, c'est-à-dire le problème, réaction, solution. Donc, si l'élite veut qu'on adopte une solution, ils vont créer de toutes pièces un problème qui va amener les gens à réagir avec la peur, parce qu'on C'est parlait de ça. la peur, pour que les gens la demandent, la solution. Comme là, si on fait peur aux gens que le coronavirus, ils vont le demander la vaccination, ils vont le demander le télétravail, les Exact. technologies de contrôle, ils vont être après ça, ils vont même payer. Plus cher, que ce soit les téléphones ou les trucs, que ce soit performant puis efficace là, pour aller sur Zoom puis différents logiciels, là. Fait C'est ça. qu'on crée une demande pour les nouvelles technologies, puis tu sais, je discutais avec quelqu'un récemment, puis on voyait que les titres boursiers des entreprises, que ce soit Google, Amazon, les GAFA, ils ont le vent dans les voiles, là, ils font de l'argent comme Des jamais. milliards, des Exactement. milliards. Puis Exactement. Google, c'est les premiers, pas Google, Google, c'est les premiers à censurer plein d'affaires. Ils font Oui. des milliards à même notre peur, là, présentement. Puis ils nous censurent en plus, puis ils empêchent les gens de penser, puis de la pensée unique qu'ils essaient de développer. Mais tu sais, avez-vous déjà réfléchi que la pensée unique pour 8 milliards d'individus, c'est impossible? Impossible! Je ne sais pas quel taouin qui a pensé à ça, là. Oui. Développer la pensée unique, mettons, du communiste chinois, là, c'est bien dans la mode, là. Oui. Voyons donc, tu as 8 milliards d'individus sur la planète à convaincre, penser pareil, on a de la misère à penser pareil avec notre conjoint. Oh, excuse-moi, je trouve ça hilarant qu'on puisse penser que des gens qui se pensent intelligents sur la planète, qui ont bien de l'argent, le petit 1% des oligarches, là, qui puissent penser qu'ils vont être capables d'amener des milliards de gens à penser pareil. C'est impossible. Rien que ça, c'est impossible. Ils vont s'essayer pareil parce qu'ils croient qu'il y a le plan de con, là. C'est le plan de con, vraiment un plan de con. Mais. C'est ça, mais peut-être qu'ils visent à amener la majorité sans toutefois que ce soit tout le monde là, à 100%, là. Impossible, David, même la majorité. Ben, ils ont amené une masse critique d'individus en Chine à adhérer au régime communiste. La Ah, mais preuve, il ça y a. s'est Ouais, pas mais. écroulé depuis plusieurs décennies, puis la mise en place. Ouh, mais là, je t'informe qu'il y a une dissidence en Chine qui s'est développée grâce à leurs abus, justement. Parce que ça, c'était du jamais vu, mais il y a une dissidence en Chine qui se développe en crise. Tof colon, excusez le mot crise. Non, non, mais Non, non, mais ça, c'est faut correct. voir, parce que moi, j'ai des contacts en Chine, là, OK. puis j'ai une amie chinoise, puis qui ses parents sont en Chine, puis il y a une dissidence, il y a une révolte qui se prépare en Chine d'aplomb contre le gouvernement chinois présentement. Parce qu'ils allument, eux autres aussi, non? C'est ça, je dis. C'est planétaire, l'allumage. Pour l'allumage, les gens qui s'éveillent, là, vraiment, c'est pas juste ici au Québec que ça allume, c'est mondial, l'allumage. Puis c'est ça qu'il faut attendre qu'il y ait un monde d'une masse suffisante pour que ça tourne, David. Parce que ça s'appliquera pas, le plan, je te le dis. Ils vont s'essayer, mais ça marchera pas, je l'ai toujours su. Mais je peux pas Ouais. vous le prouver, je peux juste vous le dire. Je ne peux pas prouver que le plan que ces gens-là veulent implanter va fonctionner ou pas. Je le sais que ça ne fonctionnera pas Non, parce c'est qu'on est, ça. on rentre dans l'ère nouvelle. Ça ne marche pas avec l'ère nouvelle, ça, là. Je suis désolée. Non, non, exactement. Moi aussi, je sais que ça marchera pas. Et moi, ma curiosité, c'est de voir jusqu'où ils vont aller avant que ça s'effondre comme un château de cartes. C'est ça, ma curiosité. J'espère que je. Mais moi, c'est sûr que chaque individu a une limite. Moi, ma limite, c'est la vaccination massive. Ceux qui s'essayent avec ça, c'est sûr que je décrisse. J'aurais même plus de téléphone, n'essayez pas de me rejoindre. Je suis partie dans le bois. Je viens du bois, puis je vais y retourner. J'ai pas de problème de survie dans le bois, moi. Ouais, Oubliez ben ça. moi aussi, ça a de problème à ma limite, là. C'est-à-dire, si on me force à être vacciné d'une manière obligatoire, sachant qu'aujourd'hui, avec le développement de la nanotechnologie, le vaccin peut être en tant que tel la puce sous-cutanée. Donc, c'est plus deux choses comme autrefois, là. Autrement dit, dans le vaccin, avec des nanoparticules dedans, ça équivaut à la puce sous-cutanée. Donc, ça serait comme un deux dans un. Tu sais, tu as des shampoings, deux dans un, avec le revitalisant et le shampoing. Là, tu aurais la vaccination avec les nanoparticules. Mais même, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça un peu la question parce qu'on pense qu'ils peuvent injecter autre chose que juste un vaccin. Mais moi, de Exact. toute ma vie, depuis la H1N1, je m'intéresse à la situation des vaccins viraux. Puis, ce que j'en sais, oubliez ça, là. Jamais je me ferais vacciner, même s'il n'y avait pas de nanotechnologie dedans. J'ai jamais, tu sais, au Québec, on était vaccinés quand la H1N1, quand ils ont parti ça. Je pense que c'est au Québec qu'on a atteint 51 % de gens qui se sont fait vacciner pour la Oui, H1N1. en 2009, là. J'en faisais pas partie, oubliez ça. Puis je suis pas mal sûre que ceux qui ont eu la H1N1, ils ont pogné le COVID aussi, là, tu sais, parce que à chaque vaccin, il y a une chute du système immunitaire. Même s'ils nous disent que ça rebooste le système immunitaire, c'est faux. Ça rebooste qu'une partie de votre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est pas juste des globules blancs dans votre système, là. C'est beaucoup plus vaste que ça, le système immunitaire. Fait que le vaccin, ce qu'il fait, ça booste, un vaccin antiviral, il booste tes globules blancs, les globules du combat contre les virus, mais il affaiblit tout le reste de ton système immunitaire. Fait qu'en bout de ligne, plus tu te fais vacciner pour les antiviraux, plus tu affaiblis ton système et plus tu as de chances d'être malade. Parce que c'est ça le but, c'est de nous rendre malades. On n'a pas un système de santé, ça s'appelle un système d'assurance maladie. Ben quoi Allô, qu'ils ont l'affaire? changé, ils ont changé le nom au fil des ans quand même au Québec, faut leur donner là. Ils ont appelé ça l'assurance santé là, la carte soleil là, ils l'ont changé là. Ouais, mais l'assurance santé, quand est-ce qu'ils nous parlent de santé? Jamais. Non, exactement. Depuis le début de la crise, on n'a jamais parlé de développer le système immunitaire. Tout ce qu'on Mais parle, non. c'est les mesures de distanciation ou l'atteinte du vaccin là, comme salvateur, là, ouais. Ben, c'est toutes des consignes pour être sûr de l'attraper, parce qu'en réalité, t'empêches l'immunité collective. Toutes les mesures qu'ils ont prises, puis particulièrement plein été, si le monde n'allume pas, parce que le biologie 101, je vous invite, tu sais, l'instruction, on a beau dire que l'intellect, il sert à rien, que c'est pas réel. On a un intellect, faut qu'il serve à quelque chose, pas à loader d'informations imbéciles. Mais mener biologie 101, je vous le dis, c'est une base de biologie 101, ça veut dire cégep 101, là, que l'immunité se développe à force d'être confrontée à un problème, être exposée à des virus. On a plus de virus, de bactéries que de cellules dans le corps. On va se mettre à saillir pas se tirer dessus? Ben Hey. non, surtout que les C'est une virus très existent. mauvaise compréhension des Non, virus. exactement. C'est sûr que c'est intéressant d'appliquer ce principe-là au virus psychique qui représente la peur. C'est-à-dire, plus qu'on va être exposé à la peur, plus qu'à un moment donné, on va en triompher, là. Oui. Puis plus t'as peur, plus ton système immunitaire down aussi. Ça va ensemble. Si t'as peur, toute cette peur-là, l'énergie que ça prend pour combattre ça atteint ton corps physique, le système immunitaire se met à fonctionner de travers. C'est un terminal, notre corps. Fait que si notre corps est malade, c'est parce que ça partit ailleurs, tu sais. Oui, ben là-dessus, ça me faisait penser. À un moment donné, j'avais écouté un enregistrement de Bernard de Montréal qui disait que la maladie, c'était dans le corps d'énergie astral ou éthérique, là, que ça se créait avant d'apparaître sur le plan physique. Ben, moi, je peux le confirmer que je vois pas les auras, des couleurs des gens. Le corps astral, je vois pas ça que, moi, le troisième œil, ce que je vois, c'est le corps vital des gens. OK. Selon une certaine, des plantes, de tout ce qui est vivant. Puis, on est entouré d'un halo blanc qui est à peu près ça d'épais, à peu près 3 cm. Partout, tout ton corps, c'est blanc au contour. Ça, c'est le corps vital, ce qu'on appelle le corps éthérique dans d'autres dimensions, qui est connecté au vital humain. Ben, ce corps-là, c'est par là que la maladie peut rentrer dans le corps physique aussi. S'il y a un trou, il y a des trous. Des fois, je vois des gens, puis je vois des trous, des endroits où il n'y a plus de vital. C'est une des possibilités que la maladie rentre par là aussi. Le corps émotionnel, si le corps émotionnel est trop actif, les gens ont trop peur, c'est comme je disais tantôt. Si les gens se nourrissent bien parce qu'ils sont obsédés par être bien mangés, ben cette énergie-là qui est nourrie par de la peur de ne pas bien manger, ça brûle tellement d'énergie que ça vient siphonner le corps vital. Oui, puis ça a l'effet Puis contraire. ça fait rentrer la maladie. C'est ça a l'effet contraire de bien alimenter la personne, en tout cas au niveau énergétique. Ben, ce compte-là, mange un hamburger, c'est ça que tu as envie. Arrêtez. L'autre fois, je parlais avec une dame qui est végétarienne, végane même, puis qui me dit, une fille qui s'intéresse à son alimentation, mais qui est un petit peu obsédée par ça. Elle me dit, je comprends pas ce que j'ai, je manque d'énergie, j'arrête pas de rêver que je mange des steaks. Je riais. Mais je mange un bon steak. Oh, non, non, non, je peux pas. Tu sais, c'est une position morale qui justifie son comportement de peur. Elle a peur de manger un morceau de bœuf. Mais j'ai dit, si t'en rêves la nuit, ton corps t'envoie un message. T'as besoin de protéines animales. Ça fait à peu près un mois et demi, mais j'ai dit, ben, tu veux bien ce que tu veux, je ne veux pas m'obstiner avec les gens à ce point-là. Mais Non, j'ai non, juste je dit, moi, il me comprends. semble que tu devrais manger un bon steak. Puis elle part de sa rire, puis elle me dit, oh non, je peux pas. Elle m'a écrit il y a à peu près 4 jours qu'elle a mangé un steak, qu'elle s'est sentie tellement bien après. Ben c'est ça, c'est parce que là, on conditionne les gens à se sentir coupables s'ils ne sont pas végétariens, vu que le végétarisme est plus à la mode qu'avant. Donc, d'une mode à l'autre, tu sais, il y a les gens qui sont coupables. Autrefois, il y a quelques décennies, les gens pouvaient se sentir coupables s'ils ne mangeaient pas de viande, tu sais, pour faire comme C'est les vrai. autres. Puis là, c'est le contraire à cause du végétarisme. C'est comme la cigarette, à un moment donné, c'était à la mode, là, c'est plus à la mode. Fait que là, la personne qui fume pas, elle fait pas partie de la gang. Puis là, celle qui fume, elle fait plus partie de la gang. Mais c'est ça, c'est encore des. Tu sais, comme je regardais sur les paquets de cigarettes, c'est rendu que c'est marqué à chaque fois que tu vas mourir, puis ça va mourir. Puis si tu lis ça à chaque fois, t'es faite bien raide, c'est une question de temps. Exactement. C'est de la programmation, tu sais, c'est carrément de la programmation. On est une pâte à modeler facile à programmer, hein. Il faut être très, très lucide qu'on est vulnérable à la programmation humaine. Excuse-moi, j'ai un petit, je vais enlever un message qui Non, m'apparaît dans non, mon visage. c'est Mais bien correct. on est vulnérable à ça. Fait que si on le sait, on est plus prudent. Moi, je check comment ça pense, point à la ligne. Si je prends une cigarette, puis là, ça me dit, oh, tu vois, il y a une petite pensée furtive, là. Oh, tu risques de mourir du cancer. Ben, je m'arrange pour que ça fasse de l'air comme pensée, puis que ça ne me revienne pas. C'est comme ça agir sur notre astralité. On a toute l'astralité, on a toutes des pensées qui peuvent venir de peur. Il y en a qui sont plus nettoyées que d'autres, mais checkons-les. Moi, c'est ma job. C'est juste ça, je surveille. Toute ma journée, je check mes peurs. Ben oui, Mon parce que sport préféré en passant. c'est intéressant parce que ça nous renseigne sur les failles qu'on peut avoir si on se fait happer par ces peurs-là. C'est les zones de Exactement. vulnérabilité qu'on peut présenter encore. Puis sans ces pensées-là, ben ça nous éclairerait pas là-dessus, puis on serait pas autant conscient de c'est quoi les points ajustés en nous, tu sais. C'est exact. Puis c'est important de voir qu'on peut s'ajuster. C'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a moyen d'ajuster, de se moduler autrement que par la peur. De toute façon, on va tous mourir un jour. Non, exactement. Vivons! C'est pas Ben, toi c'est qui as ça. lancé ça l'autre fois. Tu as dit, dans le fond, on a plus peur de vivre que de survivre. Puis c'est réel. Oui, ben, en lien avec ça me faisait penser à un moment donné, le philosophe jovialiste André Moreau avait dit à quelqu'un, il dit, la personne lui avait posé, est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Puis lui, il a dit, vous devriez plutôt vous préoccuper, est-ce qu'il y a de la vie avant la mort? On le saura bien. Moi, je disais ça quand j'étais jeune. Je me disais, des fois, on a des croyances religieuses. Ah, oh, tu crois-tu à la vie après la mort? Je verrai quand je serai mort. Je le sais pas. Ouais, c'est ça. Je te viendrai te le dire si je peux. Je sais. Ben là, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait. Moi, je sais que je meurs. L'enveloppe meurt, mais je sais que c'est ainsi qu'on meurt. Fait que... On est vraiment plus grand qu'on pense, David. On n'a pas idée de la beauté de la race qui se construit présentement. C'est une race en évolution, la race humaine, puis l'homme, tout ce qui va être l'homme dans les prochains millénaires. Oui. J'espère que je vais revenir sur cette planète pour voir ça, puis que je me rappellerai que j'étais en 2020, puis je sacrerai après ça. J'espère qu'un jour, je vais me rappeler de tout ça. Mais bref, c'est pas important. Ce que je vois, c'est l'avenir de la race humaine qui est extraordinaire. Moi, c'est Ben, ça en que je lien vois. avec ça, je veux dire que, tu sais, on parlait de la réinitialisation économique, le grand reset, là, que les élites mondiales annoncent. Puis en parallèle avec ça, je discutais avec quelqu'un, puis j'écrivais un message, puis là, ça m'a sorti reset vibratoire. Là, j'ai dit, hein, intéressant! Des fois, je me surprends moi-même en écrivant des choses spontanément sans réfléchir. Puis là, ensuite, j'ai approfondi la notion. Puis c'est vrai, dans un sens, on est en train de connaître Tout une à fait. remise en niveau vibratoire présentement à l'échelle de l'humanité par rapport aux oppositions qu'on vit, là. C'est pour ça que je parlais de masse critique. Pour que ce reset-là puisse se faire, ça prend une masse critique d'individus pour absorber ce reset. qui est vibratoire. Parce que c'est pas la fin de la planète, au contraire, ça va être une suite. Fait que, il va y avoir un gros reset. Moi, ça a bien du sens. J'aime ça, moi, les resets vibratoires. Oui, bien, on va être reseté à un autre niveau. La façon que je le capte, c'est au niveau énergétique où les gens, dans le fond, vont. Ils vont saturer les mesures de contrôle puis tout ça. Fait que ça va être une remise à neuf où les gens ne voudront plus fonctionner par rapport à ça. Un peu comme dans le temps que les gens étaient tellement écœurés ici au Québec avec la religion. Tu sais, les prêtres faisaient du porte-à-porte pour que les femmes aient des enfants chaque année, puis faire sentir coupables les gens parce qu'il y avait de la sexualité, etc. Puis à un moment donné, on a eu la révolution tranquille en disant « ça suffit, là, foutez-nous la paix ». Puis moi, j'ai l'impression qu'un élan comme ça qui va jaillir au sein des individus en réaction à trop de mesures extrêmes là, de confinement, de mesures sanitaires et mesures de, c'est ça, là, liées à la crise là, qui s'accumule avec le temps, là. Parce que c'est comme les jeunes, là. T'sais, les jeunes, tu forces à porter un masque, tu dis « Ah, c'est temporaire, c'est 28 jours. » Puis le 28 jours finit, puis tu dis « Non, non, un autre 28 jours. » Puis là, à un moment donné, il y a sans doute des jeunes qui sont en classe, parce que dans les écoles au Québec, présentement, par rapport aux jeunes de secondaire 3 à secondaire 5, lorsqu'ils sont en classe, mais en dehors des cours aussi, dans les corridors, tout le lieu de l'école, même à l'extérieur, dans le cours de récréation, sont obligés de porter un masque au visage en tout temps. Moi, c'est pas les années 80, parce que les années 80, je suis pas sûr que ça aurait passé. Ben, c'est ça, là. Moi, en tout cas... On faisait la grève pour moins que ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis curieux de voir que c'est quand que les jeunes vont décrocher, là, parce que tu étouffes toute une génération par rapport à ça. Puis, tu sais, je pense à... Tu sais, c'est pas drôle, mais là, quand t'en reviens là, je discutais avec une mère de famille. Elle a un enfant là, qui est au secondaire, puis est obligé naturellement, là, de porter le masque. Puis, elle disait à son fils, elle essayait de trouver des stratégies avec lui pour qu'il puisse respirer. Puis, bon, il a dit, tu pourrais mettre ta tête dans la case. Mais elle a dit, non, les gens n'ont pas le droit de flâner dans les cases, sont surveillés. Ensuite, elle a dit, ben là, il faudrait que tu ailles sur la bolle de toilette. Dans le fond, dans le cabinet, puis les autres te voient pas, puis tu retisses ton masque pour prendre de l'air, puis tu es exposé au parfum des autres qui t'impliquent. T'es pogné pour aller chier ou respirer. Ouais, c'est ça. Quand t'es rendu à ce point-là, là, pour pouvoir avoir de la liberté pour respirer, c'est parce que t'es dans la merde. C'est le cas de le dire. Ben, c'est ça, là. Puis tu discutais avec elle, puis on essayait de trouver une stratégie où ce que son fils pourrait respirer librement, puis il peut pas. Puis dans le cours de récréation, ils sont surveillés. Il y a même des policiers qui vont donner des amendes. On est rendu à ce point-là, à des jeunes. Là, incroyable. C'est fou. Quelqu'un m'aurait dit ça là, il y a un an, qu'on arriverait à ce point-là au Québec. Je ne l'aurais jamais cru. Puis on aurait fait un livre de science-fiction là-dessus avec les mesures. Puis on aurait appelé ça COVID-19 avec tout ce qui se passe présentement. Puis probablement que l'auteur s'aurait fait refuser parce que ce qui serait exposé ne serait pas assez vraisemblable par rapport à la réalité pour que ce soit un scénario crédible de science-fiction. Le film est bon, hein, Chris, mais le scénario, il n'est pas très bon. Non, exactement. C'est un bon show. Moi, je pense qu'on peut le regarder comme un bon spectacle. Mais si j'étais à la place d'une dame comme ça, moi, c'est sûr que mon enfant serait retiré de l'école, tout simplement. Donnerait l'école à la maison ou sinon... Oublie l'école pour un an ou deux. Et quoi, je m'en fous du gouvernement rendu là. Allez le chercher. Sors ça ton enfant de l'école, c'est tout. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'elle est consciente de cette éventualité-là. Si mais ça, lui ça... veut, bien sûr. Oui, non, c'est ça. Mais là, tu sais, ça y pèse un peu, puis tout ça. Mais je pense qu'au fil des mois, peut-être qu'elle va aller de l'avant avec ça, parce que ça crée une lourdeur énergétique qui s'installe. Puis on nous vend tout le temps, c'est sournois, tu sais, c'est un petit peu comme des vendeurs. On dit « Ah, c'est juste un petit 28 jours ». Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va te dire « Ah, c'est juste un petit sacrifice temporaire, puis finalement, on renouvelle ça pour un autre 28 jours. » Puis après ça, moi, ce que je vous annonce en primeur, ma prédiction de la journée, c'est qu'on va renouveler ça pour un autre 28 jours, puis on va probablement se ramasser jusqu'au mois de mai avec ça. Ça se peut. Ça a du sens. J'espère me tromper, là, mais la façon que c'est parti, c'est que... Le premier confinement, tu te rappelles, au début, c'était juste un petit 2 semaines au mois de mars. 2 semaines, imagine. Oui. 8 mois, 9 mois. C'est ça. Puis après ça, c'est prolongé un autre 2 semaines, un mois, un ci et ça. Fait que finalement, on est toujours en état d'urgence. Puis là, l'urgence, c'est quoi? Tu sais, le gouvernement... On est gouverné pendant ce temps-là par des décrets et non par la Chambre des communes. Exactement. N'oubliez pas qu'il n'y a plus de démocratie quand c'est des décrets, là. C'est ça. C'est le gouvernement qui décide pour vous sans aucune consultation, puis ils sont 17 ou 18 à décider pour nous autres. Puis nommez-les, ceux-là qui sont autour de la table, là, parce que vous allez découvrir que sur 17-18, il y en a 16 qui sont dans le monde économique. J'exagère à peine. Non, non, mais j'avais entendu la même chose que toi. Il y avait juste le docteur Arruda qui était le consultant de Legault qui représentait le volet médical, puis les autres, c'était plus des conseillers politiques qui n'ont aucun rapport avec la santé. Donc, à ce moment-là, pour ce qui est de la situation... C'est des conseillers du Québec, économiques sous le chapeau politique. C'est l'économique qui mène le monde. C'est l'argent qui mène le monde, autant au Québec qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi qu'au Québec, on pense encore qu'on est épargné de ça, là. Mais il va falloir qu'on se réveille au Québec à un moment donné. C'est pas vrai qu'on n'est pas épargné du tout, puis on le voit clairement maintenant. Puis en passant, le Québec est encore plus sous lunettes à cause de nos ressources. On se réveillera pas un jour, je ne sais pas quand est-ce que le monde va se réveiller, mais au Québec, on a la source d'eau potable la plus élevée au monde. Allô? Allô, c'est le cas de le dire, hein? De l'eau. Allô, c'est le cas de le dire. Allô, on est dans l'eau. Mais on ne voit pas clair, nous autres. On pense encore que c'est rien que pour nos beaux yeux. Non, non, non, non. On a des ressources d'eau, on a de l'électricité, on a plein de choses. Exactement. On a des sources, des sels, des sols incroyablement riches. Pensez pas que ça n'intéresse personne, ça, dans le monde. Alors... Tu sais, quand je disais là, il n'y a pas longtemps que les terres au lac Saint-Jean sont achetées par des Chinois, ce n'est pas une blague. Mais là, quand je dis ça, ben là, franchement, t'es pas sérieuse. Ben oui, je suis très sérieuse. Les terres du lac Saint-Jean, des fermiers que je connais, ont été vendues à des Chinois sous des prête-noms. Qu'est-ce que vous croyez qui arrive? On est en train de se faire acheter nos ressources. Fait que pensez pas que c'est Arruda. Ben, Arruda, c'est un pion. Legault encore plus. Et M. Trudeau aussi. Tout cela ne sert que leurs intérêts financiers. Puis sont achetés. C'est ça, la réalité. Nos médias aussi, c'est évident qu'on a des médias achetés. Ça se peut quand même pas que tout le monde aille la même toune en même temps, tout le temps. Puis il y a vraiment des articles de moins en moins signés. C'est marqué « Reuters ». C'est quoi Reuters si c'est pas une centrale d'information centralisée et contrôlée par qui? Encore? Oui, c'est ça la pensée unique des médias. Quand c'est marqué Reuters, R-E-U-T-E-R, là, dans les articles, ne pensez pas que c'est un article qui est écrit par quiconque. Ça vient d'une... C'est écrit par une agence de presse, c'est un centre de presse mondial. Ils ont toutes les mêmes images. C'est pour ça qu'on voit tout le temps les mêmes images dans le monde. Mais là, ce que je sais, ça me choque parce que là, je commence à être choquée parce que des fois, je trouve que le monde n'allume pas. Je me suis fait traiter de paranoïaque, de fake news, depuis les 7 derniers mois, moi, par des séminaristes, des gens qui se disent bien intelligents, là. Hey, réveillez-vous! Youhou! Non, vous ne flotterez pas d'un petit vaisseau rose là, pour quitter la Terre. Non, non! Pas tout! C'est ça que ça se passe, puis réveille! Non, exactement. Bon, de toute façon, oui, c'est ça. Mais de toute façon, par rapport à tout ça, il va y avoir la réalité qui va rattraper les gens, là. Oui, mais c'est parce que ce que je parle de réalité, c'est que les gens... Puis là, je parle à des gens qui se disent « inconscients ». J'en ai ma claque d'entendre le monde me dire « Mais là, il faut penser positif, hein, parce que tu sais quoi? Penser positif. C'est pas un dogme, ça. C'est rendu qu'on n'a plus le droit de penser négativement, il faut penser positif. C'est encore polarisé comme propos. C'est ça, exact. Je veux dire. Là, ça faudrait générer de l'amour. Ah, là, chez moi, je suis plus capable. L'amour. De quoi tu parles? L'amour. Moi, je suis comme Bertol. Des crises, yes. Une crise, yes. C'est une bonne raison d'avoir le faux cul. Parce qu'on a passé le faux cul. Moi, on me reproche d'avoir le faux cul, mais je trouve que vous ne l'avez pas, vous autres. Un petit peu de colère, là. Oui, mais moi, je te le reproche pas. Je te soutiens non. dans ton mouvement énergétique. Parce que non, je trouve que... Oui. Je sais que tu me soutiens, mais j'en ai vu des thumbs down, là. Tu sais, des thumbs down, là, vous pouvez passer votre tour aussi, je m'en sacre. Ah oui, ben des pouces par en bas. J'en ai une fois de temps en temps par rapport à mes enregistrements, mais ça m'empêche pas de fonctionner, là, naturellement. Moi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde dort au Québec. On est un peuple d'un pacifiste d'inertie qui m'énerve. Ah, ben oui. Ça m'a toujours énervé. J'ai 59 ans, puis quand j'étais petite, on me disait « Ferme ta gueule! C'est le Québec, c'est ça le Québec! Ferme ta gueule! Non, je la fermerai pas ma gueule! Puis quand je vais être morte, si je vais encore parler, je pense. » C'est compliqué. La parole, les gens n'osent pas parler au Québec. La parole, on n'arrête pas de dire en supramental, c'est important la parole. Elle est importante. Pourquoi la parole? C'est parce que quand tu parles, tu te vois, tu t'entends, tu t'instruis. Puis ça nourrit notre colère. Oui, je suis en colère. Je suis en colère pas contre l'individu, je suis en colère contre l'astral qui vous charrie. Exactement. Arrêtez de penser qu'on va flotter l'année prochaine dans un petit nuage rose puis que tout va se régler assis en arrière de notre ordi. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va bien aller, comme ils disent. Non, ça va pas bien, puis ça ira jamais bien si on pense de même. Pour faire face à la crise, il faut se mettre en question, il faut se remettre en question individuellement puis dire « Hey, ça va faire la merde de l'astral qui me charrie le mental, la peur de vivre. » Puis le jour où les gens vont réaliser ça, ben ils vont arrêter de porter le masque dehors individuellement. Moi, je porte plus de masque. C'est oublié ça, je le mets en dessous du nez. Puis il n'y a personne qui m'arrête. Ça passe maintenant complètement. C'est ça. Ils ont tellement peur que c'est là-dessus que ça fonctionne. Arrêtez d'avoir peur, puis sortez donc 25-30 d'une épicerie ensemble, allez faire votre épicerie, pas de masque, voir ce qu'ils vont faire. Essayez le don. Amusez-vous donc là-dedans un peu. C'est possible, ça aussi. Exactement. Quoique par rapport au masque, moi, je trouve qu'il y a une escalade parce que de plus en plus, je vois des gens qui se promènent sur la rue avec le masque au visage. Oui. Mais il y en a pas, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus. Moi, j'en vois pas plus qu'avant. J'en vois autant. Là, mais, pas, okay. Mais ce que je vois, c'est aussi du monde plus souvent qui porte le masque en dessous du nez. Oui, il y a de ça aussi. Mais qui suit vraiment les consignes? Soyons donc honnêtes. Réfléchissez individuellement. Là. Si on suivait tout ce qu'ils nous disent, ça n'aurait aucun sens. On ne pourrait même plus faire l'amour. Exactement, parce qu'il faudrait porter le masque. Si vous n'êtes pas dans le même domicile, là, comme disait Thérèse Otam. Puis même si t'es. Mais là, c'est plus en France, c'est plus ça du tout. Là. En France, ils ont passé une publicité. C'était terriblement délirant. Les enfants dans la maison doivent porter le masque. Puis là, il ne faut plus embrasser vos enfants. C'est ça qui parlait, là. Ish. Non, et maintenant, tu dois porter ton masque à l'intérieur de la maison. Ah oui, oui, ben. C'est ça. Qui va suivre ça? Même au sein de la même unité familiale, ils veulent masquer tout le monde. J'ai tombé sur un article récent où ce que Thérèse Otam, donc la directrice de la santé publique au Canada, recommandait que la minute que vous êtes dans un lieu intérieur, vous portez le masque. Mais voilà. C'est ça. Fait qu'on veut nous masquer. Puis derrière ça, ce que. Nous museler. Oui, pas aussi. Nous masquer. Nous museler. Parce que regardez ce que ça fait. Ça me protège d'un virus, c'est sûr. Oh, oui, oui, oui. C'est ça, un ça virus nous empêche de parler, justement. Il est mille fois plus petit que le de tes poils de cheveux, là. Mille fois plus petit que ça, là. Puis tu penses, ça passe pas à travers un masque. Et je dérape. C'est ça. Par contre, ils vont te donner contre-argument que c'est pour protéger du postillon dans lequel le virus pourrait être véhiculé, c'est-à-dire la bave qui peut être éjectée là, de la bouche. Qui est plus grosse. Ah ben, en que... là, je peux le porter en bas de mon nez parce que je bave pas par le nez, moi. Là, ils vont dire qu'à travers le nez, c'est l'expulsion en arrière au sol de particules de coronavirus. Fait que... Puis si je pète, y a-t-il quelque chose contre aussi? Ça serait vérifié. Ben oui, derrière la flatulence, ça peut être porteur de COVID. Mais je te le dis, mon fils disait ça. Il dit, pour moi, un jour, ils vont nous dire de porter un morceau de steak sur la tête, puis le monde va le faire. Ils vont être assez jambons pour le faire. Mais il y aura toujours du monde naïf, là, mais c'est, je reviens à la masse critique, parce que on peut rire. Moi, j'en ris, franchement, là, je suis incapable d'avoir... Je suis morte de rire au quotidien ces derniers temps, parce que je sais ce qui s'en vient. Je suis très, très, très confortable avec tout ce qui se passe. Je vois clair. Je pense que bien des gens voient clair. Maintenant, il faut attendre que la masse critique soit là. Puis, ça va virer. Il y a un nouveau monde qui s'en vient, j'en suis sûre. Ah, ben moi aussi. Et je serai vivante pour voir ce virage-là. Ce qui me fait grand plaisir, David, parce que j'ai des jeunes, moi, qui ont 20 puis 22 ans. 21, 23 bientôt. Puis, franchement, dans les 20 dernières années, je me disais, dans quel monde qu'on les laisse? Et là, je vois dans quel monde je vais les laisser. Je suis bien contente. La job a été faite. Il y a des aides de lumière. Si tu veux qu'on parle de culte, là, je lis l'information. Oui, il y a des aides qui ont été implantées. Ça fait plusieurs... Il y a des gens qui parlent de vagues d'initiés. Là. Ça fait depuis 1960, il y a plusieurs vagues d'initiés qui sont rentrées sur la Terre. C'est toutes des chandelles, ça, dans l'univers. Sur l'univers de la Terre, je parle. chandelle qu'on appelle la lumière, là. Bien, ça, c'est tous des points de repère pour que les nouvelles énergies rentrent éventuellement. Il y a vraiment quelque chose qui travaille contre l'homme. Tu sais, quand on parle des forces noires, là, qu'il y a du monde qui travaille anti-homme, qui ne sont pas des humains, mais il y a des êtres, des anti, pas des êtres, ça me dit des énergies qui sont pour l'homme aussi, qui travaillent. Pour ça, je dis que la guerre est gagnée de l'autre côté, moi. Ce qu'on vit, je te l'avais déjà dit, ce qu'on vit ici, c'est le passé. C'est réglé, ça. Oui, sur le plan subtil, c'est réglé, mais ça reste à être intégré dans la densité, dans la matière, ouais. C'est ça. Pour que ça soit dans la matière, parce que le but, c'est de développer de l'intelligence dans de la forme. C'est ça. La façon que je vois ça, c'est comme un logiciel qui on a parti le téléchargement, puis il n'est pas encore téléchargé complètement dans la matière, là. Oh, c'est une belle image. C'est un peu comme on fait un téléchargement pour un film ou une chanson qu'on téléverse ou un document en PDF. Bien, il y a un temps de traitement, puis on est dans le temps de traitement présentement avant la réinitialisation. D'un côté, on parle d'une réinitialisation économique, puis moi, je dis qu'il y a une réinitialisation vibratoire qui va court-circuiter la dictature technologique et électronique qu'on veut mettre en place, là, ouais. Ben ça, oui, c'est clair. Ouais, pour moi aussi, c'est clair que ça va passer de même. On va voir, la suite va être très intéressante. Oui, dans la civilisation après crise, COVID. Mais je pense que l'important, c'est de s'occuper d'avoir les bonnes. Présentement, il n'y a pas beaucoup d'actions. Même des fois, j'essaie de partir des affaires dans mon entreprise, puis ça me dit non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. On n'est pas dans un temps où on peut bouger présentement, dans le sens action extérieure, mais on est dans un temps où on peut prendre soin de nous. Puis, créez-vous des alliances en passant. Moi, j'ai plein des jeunes qui aiment autour de moi, j'en ai plein avec qui j'échange, dont j'ai la chance de t'avoir d'ailleurs. Mais c'est important que les gens se créent des alliances pour pouvoir contenir puis garder leur centricité dans les prochains mois. Très important de maintenir notre vibration. Oui, de l'entretenir. Ça ne veut pas dire d'ignorer ce qui se passe et de penser positif. Là, c'est pas ça que je vous parle. Non, exactement. S'il vous plaît. C'est pas de faire du déni par rapport à ce qui se passe. C'est ça. D'être capable d'être en contact avec le réel, mais tout en étant en relation aussi avec des gens qui vont servir à nous entretenir, nous maintenir dans une vibration qui est haute, qui est vitalisante. Oui. Puis arrêtez de sacrer contre Trump. Il y a une fonction. Crisiser la paix occultement. Ah, oh, ça a sorti de même. Oui, bien, c'est intéressant parce qu'on est conditionné à ne pas aimer Trump depuis plusieurs mois. Là, en fait, depuis son élection en 2016, exactement. Fait qu'il y a un conditionnement quand même d'environ 4 ans qui est entretenu. Si on regarde, par exemple, TVO, à chaque bulletin de nouvelles, il y a Richard Latendresse de Washington. Puis là, il va parler de Trump et le mettre en échec. Mais là, tu fais ça une fois par jour pendant 4 ans. Ça crée une mémoire, un bagage mémoriel assez lourd en opposition à Trump. Quand tu regardes ça, là, cette accumulation-là de données, d'informations, fait que de prendre quelqu'un et de dire ben finalement, Trump, il n'est pas si pire, ça va être difficile parce que le mémoriel au sein de la personne va s'opposer à tout discours qui ne va pas dans ce sens-là. Oui, puis c'est pour ça que je parle plus. Moi, j'en parle plus dans mon environnement parce qu'il y a trop d'opposition à Trump, parce que les gens sont encore endormis. Moi, je ne rentrerai pas en guerre, mais là, je m'adresse à du monde conscient, qui sont conscients que de ne pas nourrir d'égrégores. C'est ça que exactement, ça veut dire. Exactement. Je nourris pas l'égrégore d'haïr Trump comme on essaie ici, puis je le vénère pas non plus. Ce que je vois, c'est qu'il y a une fonction très claire. Puis, on est contrôlé. Il est contrôlé, oui. Il y en a qui parlaient de... Comment c'est pas ça? D'opposition contrôlée. Opposition contrôlée. Mais moi, je pense pas que Trump il est contrôlé par une opposition qui s'appelle l'oligarchie qui contrôle en arrière-plan. Là. Non, non, non, non. Je pense qu'il est contrôlé par... Même lui, il n'est pas conscient par quoi il est contrôlé. Là, Mais c'est par lui que ça passe, parce que le corps peut le faire, puis c'est karmique, c'est un plan de vie, c'est un peu comme... n'est pas Bernard de Montréal qui veut sa planète, c'est comme ça, c'est un plan de vie. Ben, Trump, il a un plan de vie d'exécuter une fonction qui est de retarder au maximum... Premièrement, il y a un ménage à faire qui va se faire. Lui, c'était ça sa fonction, de faire le ménage. De faire le grand dévoilement du mensonge qu'on nous ment. Déjà, comme peuple, de comprendre ça en Amérique du Nord... Les pays en voie de développement, qu'on appelle les pays anciennement sous-développés, ils savent qu'on le ment, eux autres, depuis longtemps. Ils ont payé le prix de tout ça. Mais nous, Les pays riches, on ne le sait pas. Non, parce qu'on a connu un confort relatif jusqu'au début de la crise du coronavirus. Je veux dire, l'économie exact. Allait bien, était florissante, une abondance de biens matériels, de nourriture bon marché. C'est ça. Oui. Mais pendant ce temps-là, combien de millions de gens meurent dans des pays comme... Il y a 8 millions d'enfants qui meurent par année de faim. De faim! Exactement. Allô? On n'a même pas atteint 1 million de coronavirus encore, là. Ben quoi que j'ai Parce vu des... faux chiffres, en fait. Ben non, c'est moi, ça, j'ai vu des chiffres pas sur, un million. Sur Google. En fait, c'était un... En fait, c'était rendu à peu près 1,2 million récemment de ce que j'avais vu. 1,2 million de faux morts. C'est ça, ça peut être sujet à discussion, là, parce qu'on a tendance à gonfler les statistiques là, de gens qui sont morts avec le COVID plutôt que du COVID. Là. C'est sûr que. Ben, pas rien que ça, David. Quand tu pourras. On n'aura jamais les chiffres de ça. Ils ont interdit les autopsies. Allô, t'as raison. Ouais. Ils ont arrêté toutes les autopsies dans tous les pays occidentaux. Ouais. Tous les pays de l'Organisation mondiale de la santé, interdiction d'autopsie. J'ai jamais vu ça. Ouais. Comment tu veux savoir de quoi est mort quelqu'un si tu n'as pas d'autopsie possible? On brûle les corps. C'est ça. Fait que là, tu détruis la preuve. Ben oui, mais soyons pas... Moi, rien que ça, quand ils ont interdit les autopsies, déjà, j'ai fait pardon. Encore pendant les 3 premiers mois, puis là encore, 8 mois plus tard, il n'y a toujours pas d'autopsie qui se fait. 9 mois plus tard. Exact. Puis on nous dit qu'il est devenu plus virulent quand tu n'as jamais vu un virus plus virulent, deuxième vague, ça n'existe même pas. Là, il y a supposément des mutations de virus, puis on continue à vous faire peur avec des mutations de virus. Mais tous les virus mutent, nous en sommes ben la oui. preuve. Hein? Regarde de quoi on a de l'air aujourd'hui. On est loin d'un virus, d'apparence. Non, nous non, sommes des ça. Virus en mutation depuis des millions d'années de bactéries. Faudrait que les gens se voient au microscope pour avoir peur un peu. Non, il est effrayant, vu sous une loupe. Hein? Oui, exactement, parce qu'il y a plein de virus un peu partout. Puis même avant que l'être humain existe, il y avait des virus. Fait que là, c'est pas nouveau. Puis, Sans parler des bactéries. Là. On a des virus et des exact. Bactéries qui ont collé sur notre corps présentement. Là. Mm. Si on nous voit, on va peut-être une bonne idée de nous montrer une image de ce qu'on est vraiment. C'est puis ça. Là, le monde aurait peut-être plus peur du coronavirus, tu sais. Ça servirait à dédramatiser les choses. Mais même là, tu vas voir, ça va dévoiler que le virus, moi, je suis portée à croire Tal Schaller sur Tal Schaller, docteur Tal Schaller, qui a fait 50 ans de recherche sur les virus et les vaccins, qui a démontré assez clairement que le virus vient de ce coronavirus-là qu'on appelle COVID-19, qui serait construit laboratoire, pas à Yuan, mais chez Pasteur en France. Oh! Oh! Il faudrait que je retrouve la vidéo, je te l'enverrai. Je l'ai dans Santé Globale, mais c'est Tal Schaller qui présente avec 2 autres personnes des preuves de brevets que Pasteur est allé chercher, des brevets sur des virus. C'est étrange, les coïncidences. Mais là, je vous mets ça gros parce que je n'ai pas la mémoire des détails. Non, non, je comprends. Si ça vous intéresse, je te retrouverai le truc de Tal Schaller et. C'est toute la vérité sur les vaccins et virus. Il a sorti ça sur YouTube. OK. Parce que c'est sûr que moi, ce que j'avais entendu parler, là, c'était par rapport au laboratoire P4, là, Wuhan, là, de sécurité, là, où il y aurait pu y avoir une fuite là, qui aurait mené au marché de Wuhan. Ben, lui, Tal Schaller, il dit que c'est Pasteur, puis d'autres disent que c'est Pasteur aussi. Même Didier Raoul en a parlé. OK. Donc... Montagnier aussi en a parlé, okay. Professeur Montagnier, qui a fait l'étude du coronavirus, qui lui qui a découvert que c'était manipulé. Il dit ça se peut pas un ARN de sida dans un ARN de coronavirus. Ça n'existe pas dans la nature. Puis lui, il a eu la chance, Montagnier, de pouvoir étudier ce COVID-19-là au début de la crise. Mm-hmm. Au mois d'avril, il a déclaré que c'était un virus fabriqué. Il s'est fait faire ma gueule, ça n'a pas été long. Oui, exactement. Mais j'avais vu cette professeur vidéo Montagnier, sur Internet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prix Nobel en virologie, qui a 73 ans, qui est à la retraite et qui n'a aucun intérêt financier à défendre quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'il est plus crédible que les merdias, que les médias. Non, exactement. Mais tout va finir par se savoir à un moment donné, j'ai l'impression, par rapport à ça. Puis là, les gens vont vivre un méchant choc, là. Mais c'est pour ça que je parlais de choc psychologique tantôt. Oui. Le choc, nous, on est préparé d'avance, on en parle, puis plein de gens qui écoutent plein de choses, qui comprennent qu'il se passe quelque chose. Mais les gens qui dorment, là, quand le choc va être vraiment fort, puis j'ai une phrase de Bernard qui me revient, on pourrait terminer notre entrevue là-dessus, Oui, si bien t'as pas sûr. d'autre chose, non, mais j'ai une phrase de Bernard qui me revient en privé qui disait, la prochaine guerre mondiale, c'est pas une guerre entre de bombes, ça va être la maladie mentale. Oui, moi Il va y aussi, avoir j'avais beaucoup de entendu chocs. ça. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de chocs. Il y a des gens, quand je disais qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont perdre leur santé puis qui vont partir vite de la planète, c'est un peu ça. C'est que le choc va être tellement fort pour certains individus qui ne sont pas capables d'absorber ça. Ça peut faire déconnecter psychiquement quelqu'un. Quelqu'un qui est déconnecté psychiquement, s'il y a un ménage à faire, il va partir. Il Non, va changer d'enveloppe, il va changer de vie, là. Il va passer à autre chose. exactement. C'est sûr qu'on parle de, certains vont parler de guerre psychologique au niveau de l'information, qui est une guerre plus subtile que celle qui pouvait avoir cours dans le passé avec des soldats dans des tranchées, avec des mitraillettes. C'est Donc, sûr que ça joue là aussi, David. Mais exactement. cette guerre de désinformation-là, quand ça va être renversé, parce que c'est ça qui se présente avec Trump, c'est ce qu'il va démontrer à la face du monde, là. Parce que je pense même qu'il est prêt à céder sa place comme président en passant pour démontrer à quel point ça va aller loin, cette affaire-là, on verra, là. Mais je pense pas qu'il va être tant que ça être élu, moi. Même s'il va être élu. Je pense pas qu'il est accroché à ce pouvoir-là, ce gars-là. Ben, de toute façon, il est très riche, S'il t'sais, faut il qu'il est sorte, il va le faire. multimillionnaire. Il est multimillionnaire, t'sais, je veux dire, il n'a pas besoin de ça pour vivre, là. Non, non, non. C'est une autre mission, une autre fonction et mission. Mais je pense qu'il va être réélu, ça, on l'a dit. Mais Exact. je m'arrêterai là-dessus parce que je pense que tout a été dit sur ces choses-là, d'un Trump. Ce qu'on Oui. sait, c'est qu'on est face à un grand dévoilement, puis le show est bon. Moi, je trouve que le scénario est mal écrit, mais bon. Dans le sens, je trouve que c'est tellement gros que je comprends pas que des fois les gens voient pas que c'est gros, Mais ce qui mais est je respecte évident, le fait que les gens le voient c'est pas. ça, ce qui est évident pour toi ne l'est pas nécessairement pour l'autre et vice-versa. Exactement. Puis Mais c'est là qu'on apprend le respect. exactement. Puis la patience. Ah oui, je m'en viens bonne là-dedans. C'est ça, contenir le temps. Sinon, avant que je l'oublie, je voulais quand même te questionner à savoir si toi, tu trouvais ça intelligent de faire des réserves de nourriture par rapport aux prochains mois. Parce que là, sur Internet, il y en a qui parlent qu'il va peut-être avoir des pénuries alimentaires avec le confinement qui va se prolonger pendant l'hiver. Toi, une hyperinflation aussi qui va rendre plus difficilement accessibles certains biens. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben moi, j'ai déjà fait le move de me protéger là-dessus pour quelques mois. OK. Je vois pas ça à long terme. Ma perception, c'était d'avoir de la réserve, effectivement. Alimentaire, puis avoir un petit poêle d'appoint, peut-être, quelques jours. Oui, ça a du sens. Moi, je pense que je suis pas capable de me protéger sur plusieurs années dans le sens alimentaire ou penser à aller m'acheter une génératrice pour plusieurs mois. Je ne suis pas capable de penser de même, mais je me suis protégée déjà. Ça fait quelques mois que j'accumule déjà du canage. Mais pas quelque chose pour plus longtemps que quelques mois. OK. Parce que c'est la même chose que j'ai faite de mon côté. Tu sais, j'ai des poches de riz, des C'est ça. lentilles en canne. Même mon chat, j'ai Exact. préparé sa nourriture. Lui, j'en ai pour quelques mois. C'est Donc, ça. s'il y a des ruptures d'inventaire, on se ramasse. Oh, le papier de toilette aussi, parce que dans le premier confinement, il avait manqué en masse du papier de toilette. Fait Ouh. que moi, j'ai plein de rouleaux de papier de toilette, de mouchoirs, d'essuie-tout. Donc, je Ouais, je vais. pense que c'est bon d'avoir une petite réserve parce qu'il va peut-être avoir, surtout une montée de prix. Oui, flamber des prix. T'sais, ils vont tout faire pour essayer de créer une pénurie alimentaire. Tout. Mais comme je dis, je pense pas que ça dure plus longtemps que quelques semaines. Mais on verra. OK, donc. C'est ça que j'ai eu comme info, puis c'est comme tu dis, j'ai fait le même move que toi, là. Du riz. Achetez-vous du riz, très efficace. Ben oui, c'est nutritif, surtout du riz brun où il y a du riz sauvage. J'ai découvert ça récemment, je trouve ça super bon, le riz sauvage. Ouais. Ben moi, j'aime pas tellement ça. Ben ça dépend des goûts. Regarde, il faut se respecter là-dedans, là. On a chacun nos goûts, là. Mais je vais te dire pourquoi. Oui, vas-y. Tellement, moi je souffre d'arthrose. Si une des choses qui me fait souffrir mon corps aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'arthrose. Alors, faut que j'évite tous les aliments acides. Et qu'est-ce que je découvre quand je mangeais du riz brun à l'époque? Que le riz brun et le riz sauvage, je ne sais pas, mais le riz brun est plus acide que le riz blanc. Excusez-moi, j'ai vraiment une petite infection dans l'œil gauche qui fait que je bats des yeux, là. Ouais, c'est ça. Le riz brun est plus acide. Donc, moi, en faisant de recherches sur tout ce qui est acidifiant dans l'organisme, j'ai dû modifier beaucoup de choses et j'achète du riz blanc. Tilda, que j'aime bien, entre autres, là, mais c'est Whitney. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis mieux au riz blanc. Fait que moi, ma diète, elle est en fonction de mon alimentation, de l'arthrose. Donc, manger alcalin, beaucoup plus alcalin qu'acidifiant. Ce qui fait que je mange pas grand-chose. Je prends beaucoup de protéines alimentaires de soya en poudre parce que je suis limite. Je sais pas si vous avez déjà regardé l'alimentation, comment c'est acidifiant. Premièrement, il y a du sucre dans tout. Le sucre, c'est le pire ennemi de mon corps. Sans parler du gluten. Sans parler de tout. Les gens disent, ah, les fruits, par exemple, c'est excellent pour la santé. C'est très acidifiant. Ben Oui. ça dépend lesquels, c'est sûr. C'est ça. Ça dépend lesquels, mais tu sais, de façon générale, les fruits, c'est du sucre. Oui. Appelez-les comme vous voulez. Ben, ceci dit, je mange des fruits, mais j'en mange moins. Parce que j'ai... En tout cas, tout ça pour dire que ma réserve alimentaire, elle est liée à du riz blanc. C'est bien correct. Mais j'ai pas de dogme. Moi, je suis aucun dogme que mon corps. Je l'ai toujours dit, je le dis tout le temps. La seule... Tu sais, si aujourd'hui je marche, c'est grâce à moi. J'étais première à chaise roulante bien avant ça. Et je suis pas en chaise roulante. Fait que j'ai toujours écouté mon corps. Tu sais, prétends-toi, on parlait. Les gens, pourquoi les gens préfèrent croire ce qu'on nous dit, c'est que se prendre en charge, c'est très difficile. Ben oui. Moi, j'ai pris ma santé en charge à 25 ans, j'en ai 59. Et j'étais pas très à la mode, je passais pour une crise de folle. Le neurochirurgien, là, il m'a traité de folle. Quand j'ai dit non, tu m'opéreras pas parce que ce que tu me proposes comme solution, ça me tente pas. Comme pas trop tendre, c'est pas trop argumenté comme tu peux. Mais moi, c'était clair par en dedans, j'ai toujours l'info, fait que je savais qu'il fallait pas que je fasse ça. Oui, bien, c'est Et intéressant parce que ça me fait penser, je viens d'avoir comme flash, comme idée qui émerge spontanément, le cas de Marc de la Salle qui racontait qu'il ne voulait pas se faire opérer à la mâchoire alors qu'il y avait une tumeur parce que son médecin voulait qu'il se fasse opérer là pour vérifier si c'était cancérigène ou non. Finalement, il a refusé d'être opéré là, puis il n'est pas mort du cancer, il est mort d'un accident de vélo. Et voilà. Exact. Ben moi, je sais bien que la chirurgie qu'on me proposait quand j'avais 25 ans, ça m'avait dit par en dedans, ça va avoir des dommages collatéraux trop importants. J'ai 25 ans, je connais rien à la médecine, là, mais je connais le corps humain parce que j'ai une formation en danse professionnelle. On étudie quand même beaucoup la mécanique. Puis le médecin, le neurochirurgien, il n'en venait pas. L'orthopédiste et le neurochirurgien qui me disent, ben voyons, madame, c'est pas vous qui décidez si on vous opère ou pas. J'ai dit, ah oui, qui donc? Ben c'est ça, c'est vous Ça qui prend êtes quand la même mon patiente. autorisation, je leur réponds, Ben tu sais. c'est ça. Ben oui, mais c'est nous qui vous disons que vous avez besoin de ça. Mais je dis, moi, je vous dis que je reviendrai peut-être vous voir dans quelques années si je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Parce que ce que vous me proposez, il y a trop de dommages collatéraux, je lui réponds ça. Mais j'ai eu la réponse plusieurs années plus tard. C'est quand je dis, il ne faut pas réfléchir, il faut agir. Moi, quand j'ai eu 40 ans, je suis retournée voir. Parce que ce médecin-là, qui était un orthopédiste, il me dit, ben c'est ça, Mme Hébert, quand vous aurez 40 ans, vous viendrez me voir en chaise roulante, de toute façon. Là, je la regarde, puis comme j'avais l'impression d'être une vache qu'on avait mis un étang dans le front, comme un... J'ai dit, pardon? J'ai dit, vous voulez que je guérisse? C'est effrayant, vous? Je suis partie là-dessus, mais je suis retournée le voir à 40 ans. Puis là, Et qu'est-ce qu'elle dit? il se souvenait de moi royalement. Oui. Mais pas de mon nom, là. Il dit, oui, je me souviens de vous. J'ai dit, oui, vous m'aviez promis à la chaise roulante à 40 ans. Et là, je lui dis, bien, regardez, je suis en pleine forme, j'ai 41 ans. Il me dit, oui, il dit, c'était quoi, vous, là? Là, je lui dis, c'était quoi, sans rentrer dans le détail de tout ça. Il dit, ben oui, c'est vrai. Il me dit ça, là, tu as un ton badin. Ben oui, il dit, vous aviez bien raison. Il dit, on fait plus ça, ça a trop de. Écoute bien mot, ça fait trop de dommages collatéraux. Là, je le regarde. Je dis, boy. Il y a 15 ans, c'est ce que j'y ai dit. Ouais. sans savoir ce que je disais. C'est ça. Puis là, présentement, il y C'est a ça. des gens qui disent au gouvernement, ça fait trop de dommages collatéraux, vos mesures de confinement, puis les mesures sanitaires. Les gouvernements n'écoutent pas. Puis peut-être dans 15 ou 20 ans, il y aura des gens du gouvernement qui vont être obligés de faire un mea culpa public, puis dire, ben finalement, les mesures étaient trop exagérées, puis ça menait des jeunes au décrochage, puis des gens au suicide. 15 ans, je ne lui donne même pas 3 ans pour ça, 3-4 ans. Ce que Ben, tu dis va arriver, mais dans 3-4 ans, gros max. oui, mais ben là, je me réajuste parce que là, je faisais le parallèle trop directement avec ton cas, là, que c'était sur plusieurs années, mais par rapport au collectif, en effet, j'ai l'impression que ça va aller plus vite que ça. Tout à Mais ce que fait. ça veut dire, c'est se Oui. prendre en charge. Votre Oui, senti est plus exactement. important. C'est ça que je veux dire. C'est que le senti des. Excuse-moi, Oui. les appareils sont partis, là. C'est bien correct. Le senti que vous avez là, est plus important que n'importe quoi qu'on nous dit. Puis quand je dis c'est comme ça que ça commence, faire face à au vide, moi, quand j'ai refusé la chirurgie, personne, même ma famille ne comprenait pas. Mais je m'en. J'ai une tête de nœud, peut-être, je ne sais pas. Appelez-le comme vous voulez. Mais ce que ça me dit par en dedans, c'est tellement clair. Quand je dis ça me le dit, c'est pas que ça me parle. Hey, si tu fais ça, il va arriver telle affaire. Non, non. Par en dedans, ça disait non! Pas de chirurgie, dommages collatéraux. Bon, moi, Exact. ça me parle. Mais pour d'autres, c'est des signaux autres. On a toute une façon de décoder la bonne affaire. C'est ça, mais c'est une communication intuitive. Tu sais, ça me fait penser au cas de ma mère. Elle avait rencontré un spécialiste. Il a dit, il va falloir, madame, vous soyez opérée par rapport à la glande thyroïde. Vous ne serez plus capable de fonctionner. Puis plusieurs années après, ben, elle fonctionne toujours. Puis finalement, pas eu besoin d'opération. Donc, tu sais, t'étais pas la seule cas où ce qu'on essaie de vendre l'idée d'une opération, puis les gens s'en sortent pareil. Fait que, tu sais, il y a d'autres Ben, avenues. c'est une invitation à s'écouter, c'est Oui, ça que je veux dire aux exactement, gens. exactement. N'hésitez pas à prendre votre contact intérieur comme une réalité. C'est ça la réalité. La vérité puis la connaissance, c'est un autre univers. Mais si vous sentez que quelque chose doit être fait, faites-le. Ça va bien Exactement. aller. Là, ça va bien aller. C'est Oui, c'est vrai. ça. Écoutez-vous, puis ça va bien aller. Puis ce que je dis aux gens aussi, c'est que même par rapport à tout ce qu'on peut dire dans l'enregistrement, là, prenez-en, puis en laissez-en, puis allez, référez-vous toujours à vous-même pour voir qu'est-ce qui vibre ou non, pour tout le temps que vous soyez souverain dans votre conscience, que vous ne perdez pas de vue par rapport à tout ce qui peut être dit dans les médias officiels, les médias alternatifs. Ouais. Puis se tromper, c'est jamais se tromper. Il n'y en a pas d'erreur. Des gens vont me dire, ouais, mais un senti, c'est peut-être de l'émotion. Mais go with it! Essaye-les, tu vas le savoir. C'est pas un problème de vivre l'émotion. Si c'est une émotion, ton senti, tu vas le savoir la prochaine fois comment décoder une émotion, mais il faut faire l'expérience de cette vibration-là pour être capable de la décoder correctement pour soi. Fait que si on reste Exactement. toujours dans la crainte ou on n'essaye pas, on ne sait pas trop, on ne le saura jamais. Ça passe vraiment par l'action. Il n'y a C'est rien à ça. Puis faire. ironiquement, présentement, on cherche à nous garder dans la crainte, confinés à l'intérieur, avoir le moins de monde possible, moins d'expériences possibles, là. Puis pas faire de sport. On ferme les gyms. Puis quand tu regardes ça, c'est comme un cercle vicieux pour nous amener dans de l'inertie crasse, là. Parce que là, la personne qui passe son temps chez elle devant l'ordinateur, puis elle mange, puis elle bouge pas, à un moment donné, elle va être très inertique ou elle va devenir obèse. On va peut-être Exact. avoir une épidémie d'obésité peut-être plus grande, puis dommageable en quantité que les gens qui vont être morts d'une manière épidémique du coronavirus. On ne sait pas quelle tangente ça peut prendre, mais c'est comme malsain tout ça, là, le climat qui, au nom de la santé, on crée. Tu sais, On ne c'est... crée pas la santé, on crée de la maladie. C'est Ben, c'est exactement ce ça. qu'on dit. C'est Plus ça. ils nous ajoutent des mesures, puis qu'ils confinent, les gens devront comprendre qu'ils ne sont pas en train d'essayer de vous protéger, mais de vous rendre malade. Que ce soit psychiquement, psychologiquement, mentalement, physiquement, toutes les raisons sont bonnes pour nous rendre malades. Mais c'est Pour ça, tu être sais. contrôlé, quand tu es malade, tu es contrôlable. Quand tu es malade, tu es vulnérable, l'énergie. Tu es quelqu'un qui a le cancer, là, c'est sûrement pas quelqu'un qui parle comme aujourd'hui, là, il est plutôt sur un combat privé. Moi, j'ai des amis, là, qui sont touchés par des cancers, puis pas le temps de parler du COVID, là. Non, non, c'est ça, les gens sont affaiblis, puis s'ils sont plus faibles, ils ont moins de volonté oppositionnelle contre ce qu'ils cherchent à les écraser. Fait que c'est un cercle vicieux, donc Exact. plus qu'ils s'enlisent comme dans des sables mouvants. Moins la personne a d'énergie, moins elle peut s'opposer, moins elle peut s'opposer, puis plus qu'elle peut être chevauchée par l'astral. Exactement. C'est comme ça que ça rentre. Fait que c'est ça le Fait que là, cercle vicieux. on va nourrir notre vitalité. C'est ça, notre contact avec notre sentier est attentif à ça, puis c'est important, puis c'est un message qui revient souvent à travers nos entretiens, mais c'est fondamental. Je peux-tu lancer une petite affaire? Là, je te prends un petit peu au Oui, dépourvu. bien J'aimerais sûr. ça que si jamais je reviens à l'antenne avec toi, que les gens, s'ils ont des questions, j'aimerais ça, moi, y aller sur questions. Oui. Essayer ça avec les gens s'ils ont des questions. N'importe quelle question en passant. Il n'y Certainement. a pas de. Ça te tenterait-tu Oui, qu'on. certain. Peut-être faire un audio le prochain sur les questions que les gens auraient. Bien, en fait, dès maintenant, les gens qui nous écoutent, et vous pouvez, les commentaires vont être ouverts par rapport à cette vidéo sur YouTube. Donc, en bas de la vidéo présente, indiquez si vous avez des questions pour Mona. Donc, et même chose par rapport à la vidéo que je vais mettre en ligne sur Facebook, dans l'espace commentaires. Vous pouvez acheminer des questions par rapport à Mona, puis dans les prochains jours, je vais les recueillir. C'est sûr que je m'autorise un droit de regard par rapport à ce que je vais y poser, dans le sens que ce soit des questions qui soient pertinentes, là, qui visent à nous amener On parle plus de loin. questions, pas de commentaires. Questions. Oui, mais Oui, c'est dans l'espace commentaires que les gens vont pouvoir je les. sais, mais je demande aux gens questions, Oui. questions-réponses, le processus que. Parce que des gens peuvent émettre des commentaires, j'ai pas de problème, là, c'est Exact. sûr. Mais c'est les questions qui sont nourrissantes pour pouvoir aller chercher de l'information. Parce que l'information, moi, j'ai toujours eu comme phrase, pas de questions, pas de réponses. Et comme j'ai pas beaucoup de questions, ça se peut que j'ai pas. C'est par les autres que je peux aller chercher de Oui, ça va l'information, c'est clair. dynamiser au niveau psychique par rapport dans ton rapport au public, des gens qui nous écoutent, parce qu'il y en a peut-être, ça fait plusieurs mois, puis depuis les derniers mois, on en fait souvent un par mois enregistrement. Donc, il y a peut-être des gens qui, au fil du temps, ont envie de poser des questions. Et là, de leur ouvrir la porte comme ça va leur donner leur opportunité. Fait que moi, dans le fond, dans les prochains jours, les questions, je vais les recueillir. Puis, dans le cadre de notre prochain entretien, bien, je pourrai travailler à partir de ça pour nourrir la discussion entre nous. Donc, on peut proposer aux gens, là, s'ils ont des questions, de les acheminer d'ici le mois de décembre 2020. Donc, ça va leur Joyeux laisser. Noël. Oui, bien, c'est ça. On va faire une petite audio pour Noël. Oui, bien, quoi que Noël. Justin Trudeau, il a dit cette année, Noël va être plate. Oui, c'est Ben, ça. pour faire changement, ça. Moi, Noël, je fais jamais ça. Oui. Regarde, je vais avoir un beau Noël cette année, mais je vais avoir la paix. Non, c'est ça. Ah, j'ai toujours eu cette période de moi, ça fait 40 ans que j'ai jamais fait un sapin. Je suis plate, je suis tellement plate. Oui. Mais je suis pas plate, je suis très très drôle, mais j'ai pas, Ah, ben moi, j'embarque pas dans je te trouve drôle dans le cadre de nos conversations. Il y a souvent une touche d'humour qui est présente chez toi, puis tu sais, ça sert à des fois adoucir le propos, parce que des fois, on va loin, puis on aborde des sujets plus occultes, ou des fois, c'est un peu plus élevé. Donc, non, non, ça vient pondérer tout ça. Donc, je refais l'invitation pour les gens qui nous écoutent. Donc, si vous avez des questions pour Mona, pour notre prochain entretien, de nous acheminer d'ici le mois de décembre, et par la suite, je vais les recueillir. Et sinon, pour compléter, bien, on peut répéter que les gens qui veulent entrer en contact avec toi, c'est à partir des coordonnées là, de ton adresse courriel et également du site web là, que je mettrai en bas de l'enregistrement, bien que tu peux le mentionner à voix haute, là, dans le Ben, ça a fond. déjà été fait, là. Il n'y a pas juste aller sur mon site au www.yogacentre-citépasdaccent.com. Mais les gens vont avoir accès par Par le lien en que je dessous mettrai en bas les liens que tu mets. d'enregistrement exactement, où ce qu'ils pourront double-cliquer pour y accéder. Sinon, mon Et côté. Oui, j'ai une vas-y. petite ajout. Oui. Je veux dire bonjour à Bertha. Ben oui, Bonjour Bertha, on te Bertol. salue. Je le salue. Pourquoi les gens vont se demander pourquoi tu fais ça, Mona? C'est parce que Bertol, là, je le suis depuis des mois et des années même, je veux dire, et j'aime son propos. Je trouve Bertol rafraîchissant. Et je le salue, tout simplement. Ben oui, moi aussi je le salue. Je sais qu'il écoute régulièrement il écoute de mes enregistrements, là. J'en fais une fois de temps en temps avec lui. Et puis sinon, de mon côté, ben pour les gens qui ont apprécié la discussion d'aujourd'hui en conscience, eh bien, vous êtes les bienvenus. me faire parvenir une contribution financière, que ce soit par PayPal ou également Interac. Et je remercie naturellement, particulièrement, ceux qui, au fil du temps, m'ont acheminé de l'argent via ces façons sécurisées par le web, dont vous avez les coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Et je remercie bien entendu tous les gens qui ont écouté jusqu'à présent l'enregistrement qui dure quand même presque 2 heures. Donc, c'était un bon D'accord. enregistrement aujourd'hui. Ben oui, on parle pas mal, Maudo, là. Si vous trouvez ça trop long, vous pouvez nous le dire aussi, tout le monde, hein, parce que je vois pas le temps passer, mais Mais ça c'est pourrait bon faire, je signe, sais quand pas. on voit pas le temps passer, c'est parce que c'est intéressant habituellement. On Je s'ennuie vous laisse pas. juger par vous-même, là, c'est vous qui savez, mais en Oui. passant, je réécoute pas les audios. Des fois, les gens me questionnent sur ce que j'ai dit, puis je suis désolée de vous apprendre que je me réécoute pas. Mais de toute façon, on vise pas nécessairement à mémoriser ce qu'on dit, là. On le dit, Non, je sais, puis... mais c'est parce que des fois, on me questionne. Il y a des gens Oui. qui ont osé m'écrire directement, poser des questions sur ce que j'avais dit, puis des fois, je me rappelle même pas de ce que j'ai dit. Puis en plus, ça me tente même pas d'aller l'écouter. Non, non, mais je comprends. Mais à C'est ce un peu moment-là, que plate, là, les mais. gens posent une question par rapport à qu'est-ce qui émerge dans le moment présent, qui vivent pas en fonction du passé d'un audio, mais dans le présent, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Tout cas, je suis juste informée. Des fois, Non, les mais c'est gens. intéressant que tu mentionnes ça parce que des gens aussi, ils m'ont dit, des fois les gens me posent des questions avec quel invité vous avez parlé à Maton de la mort. Mais là, j'en ai presque au-dessus de 500 enregistrements que j'ai faits. Là, je peux pas tout les passer en revue. Là, j'en ai pour plein d'heures. Donc, non, non, Ah moi non plus, je ne mémorise pas tout ce qui est dit parce que sans ça, ça m'alourdirait. Là, ça serait incroyable. Fait que les gens qui nous posent des malheureusement. questions, ça soit dans le moment présent, sans référent au passé. Idéalement. C'est ça, exactement, pour nous garder dans une dynamique qui est plus vivante là, que de faire référence à du mémoriel. Parce que le but, c'est de générer de la nouvelle information dans l'instantanéité du moment présent qu'on va canaliser à travers la discussion. Pour répéter un programme ou quelque chose du passé comme un professeur qui répète la matière qu'il a déjà entendue, là. Effectivement. J'ai un petit message que je viens d'entendre par en dedans qui me Oui. dit « N'ayez pas peur. Excellent. » Je vous laisse là-dessus. Parfait. Fait que merci encore une fois pour tout le temps que tu as consacré à cet entretien. Et Fait on se donne plaisir. rendez-vous au mois de décembre là, pour la suite de nos discussions. À bientôt. Bye Passez bye. une belle journée.